De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je connais pas les fréquences des longues relations. Bah, je pense qu'au bout de 12 ans. Il y a des enfants en plus au milieu, tu peux pas faire ça comme ça. Non, c'est clair. Quand ils font la sieste. T'arrives à niquer 4 fois par semaine, genre Jérémy, non? Ah oui, ouais, ça m'arrive, ouais. Quand je suis de journée. Quand je suis la nuit, je rentre, il est 3h, 3h30 du matin. Ma femme, elle se lève à 6h. Forcément, je vais pas la réveiller. Ouais, c'est plus compliqué. Tu l'as réveillé comme ça aussi. Alors, Nico, tiens là, qui filme sa femme avec d'autres mecs. Hein. Tu m'entends, Nico? Ouais, je t'entends, Guillaume. Ça va, Nico? Ça va, tranquillement. Bonsoir, tout le monde. Salut, bonsoir. Et toi, bien? Bah, bien, tranquille. Ouais, tranquille. Bien quoi, Nico? Bah, ça va. Ouais, tranquille. Vas-y, tranquille. J'ai le standard. Ça va, Nico? Ça va. Tranquille ou quoi? Bien. Vas-y, tranquille aussi, moi. Oui. Vas-y, bien. Bien quoi? Tu es sûr? Tranquille? Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. J'arrête pas de dire salut, ça va. Voudrais sauver la terre. Ça va et toi? Voudrais la voir brûler. Ça va. Ah, enchanté, Nico, en tout cas. Enchanté de même. Ça va ou quoi? T'appelles du 7-7, hein, représente. Salut à tous les mecs du 7-7, hein, d'ailleurs. Ouais, Paris. On embrasse le 7-7. Quelle ville tu viens? Ah non, tu voulais pas le dire. Non, c'est marqué. On dira pas. On a pas entendu. Tu voulais raconter un truc, t'avais filmé ta copine avec un autre mec. Ouais. C'est ouf ça, comment ça se fait? Ouais, putain, mec. Bah, c'est un délire qu'on a voulu faire et puis bah, on a été sur un site échangiste. Ouais. Et puis bah, elle a discuté plusieurs fois avec un mec, avec mon accord. Hein, et puis on a décidé d'une date de rendez-vous, d'un lieu, et puis on y a été, quoi. Et le mec était correct? Ah ouais, il était correct, hein, justement, il était correct, elle était rassurée parce que j'étais là. Ouais. Et puis après ça s'est bien passé, quoi. Et toi t'as pas couché avec une autre fille? Non. C'est dingue. Tu l'as filmé en plus. T'as juste accepté en fait qu'elle avait envie d'un autre kiki, quoi. Ah ouais, et puis là je l'ai relancé et je lui ai dit écoute, si tu veux avec un autre mec et tout ça, même si je suis pas là maintenant, il y a pas de souci, du moment que tu me préviens avant. Ah ouais. Putain, c'est dingue. Ouais, c'est ouvert d'esprit. Tu traînes en quoi toi, Nico? Moi, je suis agent de sécurité. Ah, agent de sécurité, très bien. Bravo mec, hein, je sais pas. Ouais. Bah, ce qu'il y a, c'est qu'on est que de passage sur Terre. On a qu'une seule vie. Pourquoi se faire chier à rester avec une seule personne? Ouais, mais c'est. Non, mais ça, nous les hommes, on pense tous comme ça. Ouais. Ah, mais ça fait mal. Le problème c'est la partie adverse. En plus, tu vois ta femme devant toi avec un autre mec. Ouais, je sais. T'imagines? Oh là là. Et après que toi, t'as fait le premier pas comme ça, elle pourrait te dire, bah maintenant, ça sera à ton tour avec une meuf, ou avec deux meufs, avec moi, tu vois. Et tu l'as fait, toi, avec d'autres meufs? Non, c'est pas encore, mais je pense que si un jour ça viendrait. Non, j'attends pas spécialement. Attends, mais t'as 34 ans, t'es un homme, t'as pas envie de ken tout ce qui bouge. Bah, c'est ça va faire 10 ans que je suis avec ma femme, on a 4 enfants, tout se passe bien. Hein. Ah ouais, toi t'es un cutard. Ah ouais. Je viens du Pas-de-Calais, je peux te dire que dans le Pas-de-Calais, on est des cutards. C'est bien. J'ai un stagiaire, le fouteux trompe sa copine en baisant sa peluche, je l'attends. Marsupilami, j'ai fait un truc. Zlatan, non. Salut Guillaume, salut l'équipe, bonsoir Cindy. Voilà, salut. Moi et mon homme, ça fait 8 ans que nous sommes ensemble et on a déjà parlé et on s'est même dit qu'on essaiera le club échangiste le jour où notre vie sexuelle sera plan. Salut Cindy. Ah bah, on va passer un petit coup de fil, monsieur. Nous sommes libertins, donc cela arrive régulièrement à certaines conditions. Là, je reviens de chez une nana et ma femme le sait, elle m'attend. Salut Bruno. Ah ouais. Putain, c'est ouf. Tu vas lui raconter, du coup. Je réponds, je pars demain soir, hein, salut n'importe quoi, dis n'importe quoi, le routier. Je suis pas d'accord, j'ai une grande histoire avec une femme mariée. Quand j'ai dit grande histoire, c'est que le mari était d'accord que je couche avec sa femme. Salut Florent. Faut être fort, même là aussi. Hein, ah ouais. Pour coucher devant le mec. La seule fois où j'ai. Moi, ça m'est déjà arrivé, mon début là, j'étais. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Mari. Ouais, ça, c'est facile. Faut demander, quoi. Non, mais moi, j'ai pas de problème. Tu t'en fous du mari. Pour demander. Ouais. Bah chaud, voilà. Il te mate pas. Flo, des cadeaux, t'aurais du mal. Franchement, en plus pour ton dépucelage, coucher avec la meuf devant lui, ouais, je serais gêné. Ça te gênerait de quelle meuf devant son mari? T'es devant son mari, on va penser qu'à toi. Hein. Ouais. J'ai un stagiaire, toi tu pourrais. Ouais, je pourrais, je pense. Après, ça me ferait chier, mais bon, je pourrais. Ah, c'est vrai. Délire, ça te ferait chier, pourquoi ça te ferait chier? Bah, s'il y a un mec qui mate, ça me fait chier. Imagine, il vient. Je sais pas. Je sais il a une envie ou s'il commence à venir. Il te la fourre dans le cul. Bah, j'ai des histoires. Une fois, quand j'étais allé au Cap d'Agde, j'avais essayé, j'avais pas trop réussi, quoi. T'avais pas trop réussi, quoi? Bah, abandonné, quoi. Ah, ouais, t'avais essayé, quoi? Ouais, il y avait un mec qui était avec sa femme à côté et elle m'avait un peu touché, mais j'étais pas monté, quoi. Ah ouais? Putain, elle était vraiment bien en plus. Hein. Mais je sais pas, j'étais bloqué en même temps. Ouais, c'est gênant. Je sais pas, c'est dur, je trouve. Hein. Avec mon ex, je voulais tester les plans à 3. Lui, il le faisait souvent, donc ok, on essaye. Au bout d'un moment, c'est bon. J'avais testé et ça ne m'intéressait plus. Et lui, accro au cul, m'a proposé d'être libertin. J'ai refusé et du coup, nous sommes séparés. C'est marrant, ouais. Parce qu'en fait, après, quand tu découvres un truc, il y en a un qui peut surkiffer, l'autre pas du tout. Ouais, c'est le risque. La seule fois où j'étais en couple, j'ai direct dit que ça allait être une relation libre car ça m'angoisse de rien niquer. Salut Matt, la grosse voix. Bon, les mecs, on en parlera demain parce que vous êtes trop nombreux à appeler. Merci Nico, Jérémy et Johan, les poteaux là. C'est cool. On va continuer le sujet demain. Merci beaucoup, mon Jérémy, d'avoir appelé. Salut. Salut les frérots. Salut. Attends, hey, Nico, tu pourras repasser demain pour nous raconter en détail. Ouais, y a pas de soucis. Comment t'as filmé ta femme et tout, c'est énorme quand même. On va savoir. Nous raconteras. Bon, bisous mon Nico, bon courage. Demain. Salut. À demain. Ciao Johan, à demain aussi. Ouais, merci les mecs. Énorme sujet, on va en parler demain soir. Demain, il y aura Cyprien Verseux, l'archimiste et tout ça. Passez une bonne nuit, les mecs. C'est celui qui a fait un an de test pour aller sur Mars, là. Bonne nuit à toi, GM du Standard. Bonne nuit, Guillaume. À demain, jeune stagiaire. Bonne nuit, Guillaume. À demain. À demain, Julia. Salut, Guillaume. À demain, Flo des cadeaux. À demain, Guillaume. Bonne nuit, toute l'équipe. Bon courage à vous. Le jeu des hôtels en mode. On a pas fait. Je vous ai mis une vidéo énorme. On a fait 500 000 vues en 2 heures. C'est ouf. C'est dingue. Sur la page Facebook, Guillaume Play, PLEY, sur Facebook, Twitter, Instagram. C'est un mec qui arrive à imiter le tyrannosaure russe. Le T-Rex, mais il est trop bien. Le faire. Il est trop fort. Je vous le mets, vous allez rigoler à mort, les mecs. C'est un missile. Allez voir si vous avez 2 secondes. Gros bisous, les mecs. À demain. Je vous laisse avec en bonne compagnie avec Mickaël qui est là. Hello, comment ça va tout le monde? 4, bah, bonsoir. Salut, à toi. En forme. Ouais, très bien, très bien. Écoute, t'as vu la vidéo du T-Rex qu'on a mise ou pas? Non, je peux te voir. Allez voir du coup. Elle est magnifique. Franchement, c'est une sorte de talent que le mec a d'imiter le T-Rex. Ouais. C'est assez impressionnant. C'est rare, mais c'est drôle. Ouais, juste, il fallait que tu essayes le T-Rex. Bah, si tu veux, bah, pourquoi le T-Rex? Il t'a un peu une tête de T-Rex. Ah, je suis un humain. Il a une tête de dinosaure. Ouais. Merci, ouais, c'est sympa. T'as vu la tienne, ta tête ou quoi? Non. Oh là là. Même plus la tête de foutre la merde dans l'équipe. Ça serait tout seul. Nous avons un conflit. CE1, CE2. Ah ouais, c'est lui qui est. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Bon, bah, c'est l'heure de la sonnerie des cours et faut rentrer se coucher. Oh non, ça roule. Allez, on vous laisse avec Mickaël. Bon, bonne nuit, à demain, salut, les potos. Salut, bonne les gars, bonne nuit. Et on est là chez 4h, bienvenue. C'est la rentrée, c'est la rentrée. Tu regrettes déjà tes vacances? Tu étais tellement bien. Le sable chaud, les terrasses, le soleil, les bikinis, les jolies filles, les balades, la nature. Mais tout ça, c'est terminé. Même ton bronzage est en train de se barrer. C'est normal. C'est la rentrée. T'es pas bien. T'es pas heureux. Tu vas rentrer pour travailler. C'est comme ça, t'as pas le choix. Il y a le métro, les heures de pointe, les bouchons. Tu vas râler. Tu veux tout plaquer. T'es fatigué. C'est normal. C'est la rentrée. Il y a l'école, les nouvelles têtes, te lever tôt. Il y a le boulot. T'étais pourtant si bien, zen et reposé. Tu t'ennuies déjà. Normal. C'est la rentrée. Tu ne penses qu'à une chose, à tes prochaines vacances. Mais prends ton temps. C'est dans longtemps. Pour le moment, c'est la rentrée. En attendant, il y a Mickaël sur Énergie. Toutes les nuits de minuit à 4h. Allez, bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien. Minuit 5, on est en direct sur Énergie. On est là jusqu'à 4h du matin. Amina va bien, passez une bonne journée. Oui, Amina va très bien. Très bien, c'est un peu la touche féminine, la tendresse de l'émission. C'est gentil ça. Ouais, bon, c'était comme ça pour faire plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas. Merci. Bah, quand bah, c'est vrai? Oui, c'est juste pour être poli quoi. Et si t'allais chercher un café? C'est une blague. Polo, un café? Je veux bien, ouais. Ouais, je veux bien. Un café sans sucre. Bah, évidemment. C'est bas au standard, un café? Non, t'entends mal. Un quoi? C'est pas de ma faute. Un chocolat chaud. Un chocolat chaud. Normalement, c'est à ce chien d'espagnol d'aller faire ça. C'est vrai, normalement, ouais. Ouais, je cours, je vole. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et là, ouais, c'est encore Seba du standard qui va encore revenir en mode serveur avec son plateau. Ouais, ouais. Comme il revient souvent d'ailleurs. Bon, toi, t'as passé une bonne journée également? Magnifique. Prêt à te faire insulter, t'es là un rat? Mais oui, je n'attends que ça. Bah, parfait. C'est mon plaisir du quotidien. Je vais poser la question à votre mère, à votre maman de. Salaud de merde! Voilà! Enfant de pute, ta pute de merde! Ça faisait longtemps dire! Et ta mère la pute là, qui va faire ses courses en crampon, espèce de fils de pute! Elle sait pile comment là, chante à ta mère là, je vais me péter les couilles là! Voilà, donc ça c'est évidemment tout dans la paix, l'amour, l'amitié, la délicatesse également. Si vous connaissez des gens qui s'énervent aussi facilement que ceux-là, bah, vous envoyez le numéro de téléphone comme d'hab hein, sur le mail de Tof, c'est toph@energie.com. Il y a Sly aussi qui dit: salut l'équipe, de retour de Suisse avec mon Totof. Hâte de se marrer avec vous, salut Sly. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Jennifer qui dit: coucou, heureuse de vous retrouver dès minuit, Mickaël, Amina, Tof, Polo et Seba. Gros bisous à vous, je vous adore, c'est Jennifer du 25. Salut Jenny, puis merci d'être à l'écoute tout simplement. Hein. Tous vos messages ce soir, c'est avec le hashtag Mickaël. N'oubliez pas que demain sur le Facebook, on lancera un jeu pour gagner la PS4, donc il faudra bien être là. Demain soir, demain dans la soirée, bon, pas forcément à minuit, mais dans la soirée, on lancera le jeu pour gagner la PS4. Eh ben, c'est pas mal. Bah oui, c'est voilà. Magnifique. Plutôt même tranquille, j'ai envie de dire. Ça marche aussi par message. Hein. Mickaël, et votre message au 612 si vous voulez réagir à l'émission. Polo a passé une bonne journée également. Il a passé. Je me suis embrouillé. Je vais vous avouer. Si, si. J'ai embrouillé trois meufs. Non. Des meufs. Ouais. Non. À cause de... Non, mais en fait, je vous la raconte là. Vas-y, vas-y. Bah, oui. En fait, je vais chercher de la thune parce que comme d'habitude, personne n'a de l'argent ici. C'est moi qui toujours paye toujours à bouffer. Ah oui, merci Polo. Je me paye ce soir. Il y avait que toi. Non mais, fait, mais je pensais quand que quand tu venais. C'est pour ça que j'allais payer. Mais j'ai pas. J'ai voilà. Et donc les meufs, c'est pas méchant, c'est-à-dire c'est des meufs un peu grosses. Bon, elles sont là. Et elles sont très. Donc il y a le guichet, tu peux pas passer. Donc je rentre à l'intérieur et tu peux pas passer. Donc je passe. Je vais pour tirer de la thune et elle voit qu'il y a des. Elle voit bien que je suis passé. Elle me regardait. Je pense qu'elle pensait que j'allais les voler, mais elle me regardait quand même. Donc elles savent que je suis là. Écoute bien. Et donc à un moment donné, ces trois connasses, elles se mettent, si elles m'entendent, je les emmerde profond. Elles se mettent. Oh, l'eau. Non, oh, elles se mettent. Et elles discutent. Oui, mon père, oui, ouais. Je, tiens, bon, moi je prends ma thune et tout, je range tout, je compte mes billets. Ça liasse, hein, il a sorti à peu près 10 liasses de 500. C'est hein. Ça, je vérifie que le distributeur m'a pas volé des billets. Je passe comme ça et les meufs, elles continuent à parler. Et tu sais, en fait, il y a une des grosses, elle se met sur le truc et en fait, tu peux pas passer, quoi. Et donc j'attends, tu sais, je regarde comme ça, j'attends et je marche doucement, je dis, elle va bien se pousser cette connasse. Non! Elle reste, tu sais que c'est honteux, faut pas le faire. Je les ai poussés quoi. Je suis rentré dedans et tout. C'est une blague. Non, véridique. C'est pas ma juridique. Ça peut se finir chez les flics. Attends. Bah oui. Elle m'a vu. Mais tu peux pas dire pardon. Mais c'est justement ce qu'elle m'a dit. J'ai fait attends. Alors donc attends, c'est pas terminé. Oh voilà. Là, là, là, là, là. Et donc je pense que pour une fois, tu veux pas vous faire avec eux, il y a une embrouille. Non, c'était pas là, c'était cet après-midi. Ah d'accord. Et donc la meuf elle me dit oui, mais pas le poli. Je fais pardon. Je fais c'est moi qui ai mal poli. Je fais espèce de gogol va. Et tu sais, elle me dit non mais tu vois. Et à un moment donné elle me dit oui là. Je dis mais attends, mais tu peux pas te pousser. Tu vois bien que je vais passer. Je fais comment tu veux que je passe. Oui bah faut c'est... pardon. Je fais mais tu m'as pris pour c'est ton chien. C'est con là. T'es chaud pour faire un michetonneur là. Et non, je me vénère. Et là, je vois la meuf de l'accueil qui me regarde comme ça. Et je vais la voir. Je fais non, vous inquiétez pas, je vais pas les embrouiller. C'est juste pour leur donner une leçon de vie. Non, qu'est-ce qu'il est bon, ce Polo. Donc, je les ai insultés et tout. Évidemment. Je vais aller. Bon, j'ai traité de tous les noms. C'est parti, quoi. Le michetonneur, c'est pas un jeu, c'est un truc qu'on fait pour. On appelle des meufs et des mecs qui sont inscrits sur Tinder pour les rendre dingues. Ouais, et mais là, il y a des raisons, là. Ouais, mais là aussi, il y a des raisons. Oui, oui, oui. Non, je veux dire, là, il y a une vraie raison, tu sais. Ouais. Tu, c'est pas une question de politesse. Bon, je veux bien... dites-nous aussi, tiens, si vous êtes déjà pas embrouillé. Non, parce qu'il va me raconter sa vie à 4h du mat, on sera encore en train de faire l'introduction de l'émission. Donc, dites-nous si vous êtes déjà embrouillé pour un oui ou pour un non. Voilà, on peut le dire clairement. 01 40 71 5000. Il y a Anthony avec nous à Reims qu'on a eu hier soir en fin d'émission, on n'a pas trop eu le temps là. Salut à toi Anthony, comment tu vas? Salut Nico, ça va et toi? Eh ben super. Alors Anthony, on parlait de quoi hier soir? Du coup on n'a pas eu le temps de terminer, enfin ni même de commencer réellement avec toi. Donc qu'est-ce que tu voulais savoir exactement Anthony? Donc voilà, je vais vous expliquer. Donc je suis de Reims et je me suis inscrit à une boîte d'intérim et je suis tombé en kiff sur une femme qui travaille là-bas. Ah oui, c'est vrai. Et voilà. Je ne sais pas si c'est une attirance sexuelle ou si c'est une autre attirance. C'est vrai que t'es avec une meuf. T'es avec une meuf depuis combien de temps? 2 ans et demi. Depuis 2 ans et demi, d'accord, ok. Et donc t'as rencontré une autre et tu sais pas trop si tu dois aller vers la nouvelle ou garder, enfin ou rester avec l'ancienne en fait, tout simplement. L'ancienne, c'est voilà, pareil du télé. Bon, je garde l'ancienne télé. Bah, elle fonctionne encore bien et je la changerai quand elle sera en panne. Bon, et ben reste avec nous. Du coup, Anthony, si vous avez des conseils à filer, si ça vous est déjà arrivé aussi de craquer pour une meuf ou pour un mec, hein, alors que vous étiez déjà en couple, est-ce que bah du coup vous avez tenté le coup et vous étiez déçu, vous êtes revenu en arrière si vous en avez eu la possibilité. Où est-ce que vous avez foncé? C'était déjà arrivé à Mina ou pas? Oui. T'as déjà trompé, toi? Non, j'ai pas trompé. Ah bon, Non, en gros. Donc c'était pas arrivé? Bah si, ça m'est arrivé. Parce que lui, il l'a pas encore trompé, sa copine. Ouais, c'est vrai. Il tâte, tu vois. Ouais. Et moi aussi, donc du coup, le jour où je me suis mise avec le nouveau, j'ai dégagé l'ancien. C'est scandaleux, c'est honteux. Bah donc tu t'es quand même mise avec le nouveau et puis t'as dégagé l'ancien. Ouais, mais genre franchement une heure après. Tu l'as trompé. Mais bah, oui et non. Oui, c'est-à-dire que pendant cette heure-là, vous étiez ensemble. Oui, oui. T'étais avec deux mecs. Non mais d'accord. C'est typique des meufs. Bon, t'étais avec deux mecs ou pas? Oui, mais tu peux pas comprendre parce que oui, mais je l'ai pas fait. Ouais, mais c'est l'amour. Ça, c'est alors les meufs. Que si un mec fait ça, c'est quel enculé, quel salaud, quel connard, quel top. La différence, c'est que le mec, il ne dira jamais à sa meuf, oui, non, j'ai trouvé une autre. Tu l'as dit toi? Si. Moi, bah ça sert à rien de faire de la peine. Ah, voilà, bah, voilà. Dit non plus, putain, je te jure. Anthony, reste avec nous, on va en parler. 01 40 71 5000, vous nous appelez évidemment, vous passez en direct à l'antenne. Si vous êtes en Belgique, vous pouvez faire le 02 703 0071, c'est le numéro du standard. Et puis, message qui t'est arrivé aussi, ah bah bien sûr, hein, Aziz, le GPS, anciennement Aziz Daboussole, qui dit Tof, enfant de salope, je te coupe tes couilles et je te les fais bouffer pendant que je t'encule. Voilà. Et puis salut à vous l'équipe. Merci, j'encule Tof, le garage à foutre, c'est Chris le routier, décidément. Vous êtes en forme ce soir vis-à-vis de Tof. C'est bien, ça continue. On va s'écouter aussi le son de Sopra. Il y aura aussi DJ Snake. Et Alonso tout à l'heure. Et on sera aussi le Manteller. Ils adorent qu'on leur demande comme tous les mardis. Si vous voulez jouer avec nous, PS4 à gagner ou Samsung Galaxy Tab E et même des Xbox One aussi d'ailleurs. Si vous voulez jouer avec nous et piéger quelqu'un de votre choix au Manteller, ils adorent qu'on leur mente. On vous impose trois mensonges et vous devez les balancer justement les mensonges. Vous nous appelez aussi au 01 40 71 5000 minuit 13. On est tranquille, on est à la cool. C'est Mickaël sur Énergie avec toute l'équipe et le son de Martin Garrix tout de suite. If I told you this was only gonna hurt if I warned you that the fire's gonna burn. Would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? Trust me when you're jumping from the heights. Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all testify, screaming the holy lie. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, screaming the holy. Sur Énergie, bonne nuit. Tu peux compter les moutons. 1, 2, 3. Mais ça ne marche pas toujours. Ou bien tu peux attendre que le sommeil arrive. Tu n'arrives pas à dormir. Parfois c'est long. Long. Très long. Très long. Mais c'est mieux de ne pas insister. Plutôt que de chercher le sommeil. Écoute Mickaël sur Énergie. De minuit à 4h. Ouais, et d'ailleurs, n'oubliez pas aussi, d'ailleurs, si vous voulez balancer vos messages avec le hashtag Mickaël, il y a Alan qui dit les oreilles ouvertes jusqu'à 4h. Salut l'équipe, salut à toi Alan. Et Julie, vous m'accompagnez pendant mes devoirs tardifs. Elle est belle. C'est génial ça. Ah bah Julie, dis donc, minuit et demi les devoirs. Enfin, minuit 15. Eh bah bravo. Eh ben bravo, et devoir tardif. Bon, dites-nous si comme Polo, vous avez tendance à vous embrouiller pour un oui ou pour un non. Ouais. Appelez-nous au 01 40 71 5000. Dites-nous si ça s'est déjà bien ou mal terminé, justement. 01 40 71 5000. Anthony, le retour de Reims. Avant d'écouter le son de Soprano, il y aura DJ Snake également tout à l'heure. Donc Anthony nous avait appelé parce que bah il bosse là dans une boîte et que ça fait eh ben 2 ans et demi qu'il est avec sa meuf. Il est tombé sur une autre meuf, bah pour qu'il a eu un petit coup de foudre, on peut dire ça comme ça. Ouais, voilà, ouais, on peut dire ça comme ça, mais je sais pas si c'est une attirance sexuelle ou autre, quoi. Bah, quand tu la vois, tu bandes ou pas? Non, mais bon, il y a quand même des petites envies, quand même. Ouais, donc il y a quand même un petit peu de sexualité là-dedans. Après, le truc, c'est que bah tu sauras peut-être à un moment, si tu couches avec elle et qu'après t'as plus envie, bah c'était juste du cul. Bon, après tu me diras, t'es bien avancé. Mais ouais. Moi je dis garde la vieille, garde l'ancienne. Mais oui. Bah c'est parfois mieux après ça. Mais surtout oui. Que tu nous as dit hier en plus, je me souviens, Attends, t'es où là, Anthony? Là, je suis au boulot là. Ah oui, d'accord. Et d'où le bruit alors? Non, parce qu'en plus je t'avais posé la question hier si tu reprochais des trucs à ta meuf, c'est genre vous couchiez pas assez ensemble ou je sais pas moi, elle est chiante. Mais non, tu lui dis non, elle est bien, je lui reproche rien. Bah oui, bah voilà, tu... Je vois un peu les couples, il y a les hauts, il y a les bas, mais non, bon, mais d'accord, mais non, mais que j'ai vu cette personne là, bah voilà, tu vas le regretter. Mais attends, mais d'accord, ok, mais c'est pas parce que c'est pas parce qu'à un moment ou à l'autre tu roules avec ta caisse, tu craves un pneu, tu vas changer de voiture, tu non, changes de pneu. C'est vrai, mais on est d'accord, tu changes pas de voiture dès que t'as un petit problème, dès que t'as un petit souci. Ça dépend. Mais non, tu rafistoles. Non, attends, mais non. Non, mais voilà, tout ça pour dire que c'est pas la peine de d'en changer. Ouais, mais tu sais, des fois, comme on dit, des c'est fois... C'est pas un slip. Non, j'ai compris, Anthony. Anthony, j'ai compris. C'est pas un slip, ta meuf. En fait, j'ai compris, Anthony. Il nous a appelé pour qu'on lui dise « vas-y ». Bah oui. Ouais, c'est ça, parce qu'à chaque fois que je te dis non, n'y va pas, tu dis ouais. Et ben en fait, moi, je te le dis, vas-y, ouais, baisse là, et après tu le viras. Arrête. Donc, je pense que c'est ça, t'as envie qu'on te dise d'y aller, quoi, c'est ça. Moi, je te dis non. Moi, j'ai besoin de conseils, de savoir si des gens ça leur est déjà arrivé et ce qu'ils ont fait. Ouais, bah dites-nous après hein, si vous avez déjà eu ce genre de choses et si vous l'avez fait, est-ce que vous avez regretté ou est-ce que vous l'avez fait, vous avez plutôt kiffé et vous ne regrettez pas du tout. 01 40 71 5000. Mickaël et votre message au 612. Laissez bien votre numéro pour qu'on puisse évidemment vous rappeler. Et puis, bah du coup, Anthony, bouge pas. Tu t'es déjà énervé pour un oui ou pour un non, toi, Anthony? Moi, oui, et c'est souvent. Et c'est souvent? Comment ça? Bah, ce qu'il y a, c'est que moi, ce qui m'énerve le plus, c'est les gens qui ont un comportement de con sur les routes. C'est-à-dire... Ah oui, non, bah ça, il y en a beaucoup. Hein. Tu vois, ça, c'est un truc qui m'énerve et qui me fait monter en pression très, très, très rapidement, quoi. Ouais, bah ouais, je sais bien, ouais. Ça, c'est un truc qui peut effectivement être énervant. Surtout que le problème, c'est que parfois, tu vas t'énerver sur un gars qui a fait une seule connerie comme ça par hasard. Sauf que t'as tellement bouffé de la connerie avant que tu t'énerves sur ce pauvre gars qui est là. Et puis après, t'as les autres. Amina, tu t'énerves facilement ou pas, toi? Oui, bah oui, c'est ça le problème, moi. Ah ouais, c'est bah l'histoire ouais. de ma vie, ça. Ouais. Bah oui. Bah, va chercher un café? Parce que là, on attend là. Oui. Le mec, il veut pas lâcher l'affaire. Il veut pas lâcher l'affaire. J'y vais après. Ah, bah, très bien. Eh bah, parfait, très bien. Non, c'est Seba qui va y aller. Il adore faire ça. Ah, très bien. Bon, Anthony, donc reste avec nous. Dites-nous si vous avez tendance à vous énerver facilement. Polo, je pose pas la question. C'est oui. Tof. Non, ça va. En fait, moi, j'accumule et au bout d'un moment, ça sort et ça va pas durer longtemps. Il met ses couilles sur la table. C'est une grosse blague. J'étais au magasin avec Tof cet après-midi. On s'est embrouillé avec des mecs en faisant la queue. Oui, mais c'est ça. Et il dit non, moi je m'embrouille pas. Bah oui, c'est ça. Ah, mais il faut attendre que ça déborde, quoi, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Ah ouais, d'accord, je me suis pas embrouillé, c'est toi qui t'es embrouillé. Ouais, enfin, tu m'as soutenu. Oui, je t'ai soutenu dans l'embrouille, mais c'est, moi j'ai déjà ça. En fait, Amina, elle s'embrouille, après elle passe le plat au quelqu'un d'autre. C'est ça, c'est-à-dire qu'elle m'a laissé le plat et comme je voyais bien que la serveuse était déjà en train de s'embrouiller avec lui, je me suis dit, ouais, c'est bon, vas-y, laisse-la finir. Ouais, t'as raison. Bon, bah, dites-nous si vous vous embrouillez facilement ou si vous êtes déjà tombé sur des mecs bien relous. 01 40 71 5000, vous ne bougez pas de là, on va s'écouter le son de Sopra à suivre. On va se mettre la pub et juste après, on sera de retour aussi avec la nuit sans pub, donc autant dire qu'on sera à la cool. Mickaël sur Énergie. Toutes les nuits de minuit à 4h. 01 40 71 5000. Tous les matins sur Énergie, à 7h05 et 8h05, Manu double votre salaire. Émeline ? Oui ? De Savigné sur Latan dans l'Indre-et-Loire ? Oui ? Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire ? C'est Manu de Énergie ! Ouais ! Chaque mois, tu touches

Ouais, alors pour la sœur, c'était quasiment certain que t'allais perdre les deux. Hein. Ah bah oui. Parce que là, à un moment ou à un autre, si tu veux, soit les deux sœurs allaient s'embrouiller, soit elles allaient te dégager. Hein. C'était logique. Cynthia qui dit coucou l'équipe, j'arrive pas à dormir, alors je vous écoute, gros bisous. Eh ben, on est pris comme des bouche-trous, quoi. C'est scandaleux. C'est ça un peu, Cynthia, bah bravo. Scandaleux. Non, mais merci Cynthia. D'être là, Cynthia. Gros bisous à toi. Et Amandine qui dit coucou mes amours, bah salut à toi. Amandine, tous vos messages avec le hashtag Mickaël, c'est sur le Twitter de l'émission. Message SMS aussi, c'est Mickaël et votre message au 612. Et il y a Sophie avec nous qui est à Amiens. Salut Sophie. Salut. Comment ça va Sophie? Ça va nickel. Bon bah bienvenue Sophie. Ah mais bah, quand même Amina. Le serveur est arrivé. Ah ça y est, Amina qui est la serveuse de l'émission donc. Merci Amina. Lequel est le mien? Bien aimable. Quel talent. C'est pas Touillette. J'ai oublié Monsieur Gicourt. Oh là là là. Quel talent. Putain, je peux te dire que le pourboire, elle pourra se le carrer dans le cul. Hein. Cette salope de serveuse là. Excuse, j'ai 5 centimes. Juste pour info, je suis serveuse. Oui, mais toi, tu fais bien ton travail, je parie, non? Pardon? Toi, tu fais bien ton travail, je parie, non? Il paraît, oui. Ah bah tu vois, alors Camilla fait le travail à moitié. Hein, tu vois, elle me dit oui, pardon monsieur, je vais chercher tout de suite la touillette. Oh, j'ai pas de touillette. Hein. Bah écoutez, je reviens. J'aurai la touillette quand le café sera froid. Je fais une pause. Et là, je pourrais gueuler en disant écoutez, madame, le café est froid. Oui, mais c'est parce que j'ai mis du temps pour aller chercher la touillette. Vous voulez que je le change? Bah voilà. Non, attends, je vais boire comme ça. Bah oui, ah non, moi, je peux dire qu'elle va le changer. Hein. Et t'inquiète pas, quand elle apportera l'addition, je dirai, je prendrai un café supplémentaire comme Polo pour essayer d'avoir gratis. Ah bah oui. Voilà. C'est faux, mais arrête de dire ça, c'est pas vrai. Bon, Sophie, raconte-nous un petit peu, t'as le même problème que... Enfin, oui, c'est un problème dans l'absolu. Qu'Anthony, donc, c'est ça, t'es avec un mec et bah t'es en kiff sur un autre. Ouais, donc en fait, mon histoire, elle est compliquée. Moi, je suis avec mon partenaire depuis... Ah, c'est ton partenaire? Oui, partenaire. Enfin, avec mon copain, en fait. On partage ça fait très longtemps, en fait, tout simplement. Ça fait 8 ans que je suis avec. Ouais. Et en fait, il se trouve que... Pourtant, l'amour ne dure que 7 ans. En 3 ans, il paraît. Ah, c'est, bah, c'est pas vrai, ça, c'est de la merde. La preuve. La preuve. En fait, moi, à l'heure actuelle, ça fait donc il a des frères et sœurs. Je peux pas dire combien exactement. Pourquoi tu peux pas? C'est un secret d'État. C'est le FBI qui nous surécoute. Tout à fait. Ah d'accord. Tout à fait. C'est le secret d'État. Ok. Et en fait, ça fait à peu près 8-10 mois que cette personne me cherche un peu. Et en fait, il se trouve moi, en fait, j'ai craqué en fait il y a peut-être 15 jours, 3 semaines. Avec son frère. Ouais. Oh là là. Oh attends, parce que donc là, est-ce que tu peux arrêter d'applaudir comme un débile? On dirait Notary, tu sais, dans les cirques. Je déteste quand on applaudit dans une émission radio. J'ai l'impression que dans les grosses têtes, c'est vous avez. Oui, bonne réponse! Non, même, ça fait Otari de cirque, tu vois. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Non, bref, donc ça veut dire que t'es avec un mec depuis 8 ans. Ouais. Et t'as pas eu une meilleure idée que de se taper son frère. Mais t'as raison, t'es ma championne, je te félicite. Je sais. Non mais avoue quand même, déjà ça se fait pas par rapport au le frère vis-à-vis de son propre frère, c'est quand même scandaleux. C'est lui le pire. Ouais, franchement, ouais. Non mais les deux pour le coup. Après que tu tapes un autre mec, bon, je vais pas dire passe encore, mais ok, pourquoi pas, il y a des raisons éventuelles, bon bref. Mais le frère ou la sœur, quoi, sans déconner, Sophie. Ouais, je sais. Mais t'es une sape. Donc voilà, c'était juste pour dire en fait qu'il fallait pas que... Il fallait pas qu'il craque, en fait, tout simplement, qu'il reste avec... Mais du coup, toi, t'en es où, là? C'est quoi, l'histoire? Bah, en fait, ça va pas plus loin que ça, quoi. Ah, donc tu t'es tapé son frère, et puis c'est fini, tu rentres à la maison, et comme si de rien n'était. Ouais, voilà, mais en fait. Franchement, le frère, c'est vraiment... C'est un fils de pute. Non, parce que... Non, mais ce qu'il a fait, ça se fait pas, non, ça quoi, se fait putain. Ça se fait pas. Vraiment, ça se fait pas, ouais. Quand c'est la meuf de Toff. Mais oui, là... Oui. Non, encore, personne veut se taper les meufs de Toff. C'est ça. Donc, de ce côté... Non, c'est pour ça aussi, c'est à l'avantage de Toff, c'est qu'au moins, il est sûr que personne viendra sur ses plates-bandes. Oh. Bah quoi? Ah, il a fait une petite mouche genre je suis un gosbo. Je suis Peugeot de la meuf, vous vous rendez pas compte. C'est quoi cette petite moue, Toff? Mais ce n'est pas de la moue. Si, t'as fait un petit... Je ne dis rien. Mais il ne dit rien. Voilà, je ne dis rien. Bon bref, et donc Sophie, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à Anthony? Alors de ne pas le faire, c'est ça? Juste tout simplement qu'il fasse attention à ce qu'il fait. Moi, je regrette à l'heure d'aujourd'hui et je sais plus trop quoi faire. Si je le dis, si je le dis pas, et je le ferai pas quoi. Ouais. Moi, je lui, je le ferai pas. Enfin, c'est le seul conseil que je peux lui dire. Il va tout gâcher sinon. Bah moi je pense qu'effectivement faut pas le faire, mais maintenant après t'es assez grand pour savoir ce que tu peux faire. On va prendre Cyril aussi et Philippe qui avait aussi pareil des conseils à filer. Sophie, je te remercie en tout cas, je te fais des gros bisous, merci d'avoir appelé. Mais de rien. Très bien. Et est-ce que tu prends ça comme une faute grave, toi, quand un client, t'amènes pas une petite cuillère à ton client quand tu fais. C'est au-delà de la faute grave. Ça dépend de la façon où c'est dit. Et que la serveuse s'installe devant toi et te regarde. Et ne bouge pas pour juste, chercher cette cuillère. Sophie, juste un truc, ça dépend comment c'est dit. Ton boulot fait part. Tu dois mettre une cuillère pour le mec qui avait pour. C'est vrai. C'est pas la façon dont c'est ça dit. Ça peut arriver. Je présente mes excuses. Je cours, je vole. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ben vole. Je fais un salto en y allant. Et ben vole. Fais avec ton doigt. Et ben vole. Plus vite. C'est scandaleux. Plus vite. Quoi, putain, les serveuses aujourd'hui. C'est plus jure. Que c'était. Ah, c'est plus que c'était. Hein. C'était mieux avant. C'est quand on avait Toff, c'était mieux. Ah bah bien sûr, bien sûr. Bon, je te fais des gros bisous, Sophie. Merci. Je t'embrasse, à bientôt. Bonne Sophie soirée. Et Anthony, merci. Du coup reste avec nous, il y a Cyril et Philippe qui voulaient aussi donner leurs avis. T'es là Cyril de Valence? Ouais, je suis là, ça va et vous? Bah écoute, ma foi plutôt pas mal, tranquillement j'ai envie de te dire Cyril. T'avais des conseils à filer à Anthony toi, juste un petit mot, t'as déjà passé le cap ou t'es dedans là? Comment ça? Bah en gros, par rapport à Cyril, est-ce que par rapport à Anthony qui a une meuf et qui a craqué sur une autre, est-ce que toi t'es dans le même cas, c'est-à-dire que t'as aussi une meuf et t'as craqué sur une autre, ou est-ce que t'as déjà passé le cap de la tromper? Ça m'est déjà arrivé. Attends Cyril, attends une seconde. Attends, parce nous envoyer SOS. Là il y a Amina la serveuse là maintenant qui est venue et qui touille, qui m'a ramené 4 cuillères au cas où. Comme ça, j'en ai une pour mes deux mains, mes deux pieds. C'est comme ça, je peux touiller 4 fois avec. Si vous souhaitez changer de cuillère, monsieur. Et je vous remercie. Quel voilà. Talent. Et vous n'aurez pas de pourboire, j'annonce. Le café est froid. Ah, bah, le café est gelé maintenant, bravo, bravo. Donc bref, Cyril, t'as déjà passé le cap ou pas alors? Ouais, moi ça m'est déjà arrivé en fait, son histoire. Et justement, j'ai eu un ami qui m'a raisonné en me disant un petit dicton en fait qui m'a l'air d'être assez vrai. C'est, Attends, tu vas nous le dire après le dicton, t'inquiète pas, Cyril. Philippe, on va le prendre aussi dans un instant. Cyril, tu restes là. Anthony, tu restes là. Si vous avez déjà eu la même chose justement qu'Anthony, si vous avez des conseils à filer, 01 40 71 5000. Et puis, au passage également, si jamais vous avez tendance, comme Polo, à vous énerver pour un oui ou pour un non. Non, pas du tout. Là aussi, n'hésitez pas à nous appeler au 01 40 71 5000. J'avais promis le son de Sopra juste après les appels mal intentionnés. Et on est au cœur de la nuit sans pub. C'est Mickaël sur Énergie, comme toutes les nuits. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le soir le salut, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait passer boum dans la nuit car sors de la piste, fais une grande carte de vandale. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau, j'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, fais un peu. Si tu me parles, fais un peu. Si tu me touches, fais un peu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Toi moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Toi moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Oh, je suis en feu. Je suis chaud, je suis chaud. Je suis chaud, je suis en feu. D'Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de 2 heures de sport, amène-moi des tirineurs. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, fais un peu. Si tu me parles, fais un peu. Si tu me touches, fais un peu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Toi moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Toi moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Oh, je suis en feu. Ça sent le brûlé, ça sent le brûlé. On est en direct, il est minuit 37 sur Énergie. Parfois on est perdu. On cherche son chemin. On se sent seul et abandonné. Ne t'inquiète pas. Tous les chemins mènent à Mickaël. Mickaël est sur Énergie. Tous les soirs de minuit à 4h. Bah et venez, hein, si vous avez envie de parler avec nous, vous êtes évidemment les bienvenus. 01 40 71 5000. Vous envoyez Mickaël et votre message, c'est au 6 11 12. C'est le même numéro pour la France et pour la Belgique. Et n'oubliez pas aussi, ce soir, on va se faire un petit. Déjà monter l'heure, elles adorent qu'on leur vende, bien entendu. Et on se fera aussi le jeu du tupu. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus fait ça. Le jeu du tupu, avec pour l'instant, je le rappelle, Tof qui est à 2 défaites d'affilée. Amina, Seba et Polo qui sont à 1 défaite. C'est vrai. Bah oui, tu vas pas vouloir faire tous les soirs quand même avec toi. J'ai jamais joué à ce jeu. Mais pas celui-là, tous les jeux confondus, sauf le karaopé. Je vais bien faire. Et franchement, tu sais quoi, même Seba du standard est moins débile. Non mais. Ah ouais, d'accord. Ouais, je sais pas comment le prendre. Punchlines, d'accord. Il faut savoir qu'au hors antenne, elle nous disait non, vous savez, moi j'écris mal, mais c'est parce que c'est un signe de très grande intelligence. Ah ouais, ça doit être ça. Ouais, ça, doit être ça. Bon, donc si vous voulez jouer tout à l'heure au jeu du tupu, donc on sera dans d'ici une grosse heure, hein, donc vous pouvez être tranquille. Hein. Une grosse heure comme le beat de Tof. Donc ça va, c'est une petite heure quoi. Ouais, quand même. Bon, donc si vous voulez jouer avec nous, 01 40 71 5000. Montez-leur, elles adorent qu'on leur monte, ça va arriver. Il y a Eddie aussi qui dit coucou à toute l'équipe. Salut. Bonsoir encore, une parfaite avec vous. Une parfaite quoi, je ne sais nuit. Pas. Nuit. Nuit peut-être, improbablement. Julie qui dit bon bah en spé anglais, je suis en train de lire un document qui concerne Tof. On parle de gros. Je ne l'ai pas inventé, hein, c'est le message de Julie sur Twitter. Julie, mais moi, j'assume mon obésité. Bon, t'es pas obèse, t'es gras, c'est pas pareil. Il faut que tu sois pour qu'on le plaigne. Ouais, c'est ça. Plaignez-moi, plaignez-moi. Mais non, ça, envoyez vos messages parmi Il y a Audrey et Brian du 88 qui dit salut à Night, on se réveille avec vous, c'est agréable et on est de bonne humeur, motivé. Ah putain, se réveiller à minuit 39, je pense que quoi que ce soit, je suis pas motivé. Hein. Si c'est une bombe de meuf, ouais, je pense. Ah oui, ouais, si c'est une bombe de bombe. Je me lève, genre Kyle et Coco. Je prends une douche, c'est l'unique de la semaine. Hein ? Kyle et Coco qui me réveille à minuit 30, pas de problème, je peux être de très très bonne humeur. Y a Mina qui va dire qu'on va voir que c'est une salope. C'est qui? Mais c'est celle qui joue dans. Allez, j'ai de nouveau oublié le nom, putain. Big Bang Theory. The Big Bang Theory, ouais, c'est la blonde là. Kylie Coco. Kylie. Cuoco. C-U-O-C-O. Non, mais déjà, le truc, c'est imprononçable, la meuf. Bah, c'est hawaïen, je crois. Elle est d'origine hawaïenne. C'est pour ça qu'elle est là-bas. Ouais, elle est née là-bas, ouais. C'est ma meuf, je connais, tu vois. Ah oui, pardon, désolé. Non, mais voilà. Elle est jolie. Ah, t'as vu, elle est bien. C'est ma meuf. Tu la baisses ou pas? Qui ça, moi? Ouais. Mais ça va pas ou quoi? Oh le chat! Non mais. Et là elle te dit oui, t'as l'air con. Hein. C'est une plaisanterie, non mais attends. Bon, donc qu'est-ce que je le disais maintenant? Je sais plus. Oui, bon, alors sur les appels mal intentionnés maintenant, donc du coup forcément, générique. Nique ta mère, fils de pute. Le chat de la con de ta mère, la pute. Enculé, sale bâtard. Le troufion, ta grand-mère, la chauve qui fait du jet ski. Voilà, et on va se faire un thème. Oui, on avait le choix entre deux thèmes. J'ai dû en refuser un. Je suis désolé. Oui, il y a un moment scandaleux. Non, je ne censure rien dans cette émission. Mais là, quand même, Tof arrive. Oui, j'ai une bonne question pour aujourd'hui. Je dis, ouais, c'est quoi? Est-ce que vous êtes déjà couché avec votre mère? cette question-là, ça veut rien dire. Toujours plus. Non, si, il y avait une raison. D'ailleurs, c'est sur une idée originale d'Amina qui m'a soumis l'article. Parce que c'est Amina et deux jours de suite elle m'a dit. Tu es une merde. Le mec me dit merci, après il balance. Oh là là. Ah c'est non, toi qui a des idées aussi. Je dis pas critiquer, je dis que la genèse. J'explique tout, c'est venu. Et donc Amina m'a montré l'article. Moi j'ai trouvé cet article génial, donc je voulais le faire. Ah oui, génial, original en tout cas. Original, ouais, c'est ça. Tu dis des trucs bizarres, Amina. Hein. Mais non, mais c'est un mec qui est en prison avec sa mère parce qu'ils ont couché ensemble il y a 25 ans. Et ça m'a interpellée. Ah ouais. Donc j'ai dit Tof, regarde. Donc voilà, moi je suis forcément au lieu où lui qui saute d'un pont, il va sauter d'un pont. Alors, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est à quel moment vous êtes rendu, vous étiez où quand vous êtes, vous parlez de ce genre de truc, parce que c'est bizarre. On était dans l'open space là-bas, un peu et plus loin. Et vous parlez de ouvertement comme ouais. ça. Ouais. Bah ouais. Mais vous avez des sujets de discussion bizarres. Bon bref. Et après, on a appelé Virginie du 59. Ah bah oh. oui. Évidemment. Bon, et donc du coup, on va parler des jeux de rôle sexuels, genre qui a déjà fait ça, par exemple, genre le plombier qui vient réparer la fuite de la malheureuse femme au foyer, bien entendu. Oh, et puis pauvre. Bah forcément, bah vous la déglaguez, hein, normal. Ah bah, elle a pas d'argent pour payer la pauvre. Bah forcément, ça fait un peu film de cul dans les années 80-90. C'est grave ce qui se passe. Mais quoi? Ouais, c'est l'autre, c'est grave, mais quoi, tu sais, je suis bonhomme. Non, mais je rêve, c'est une femme au foyer, il faut la déglinguer. Bah oui, mais non, mais c'est un jeu de rôle. C'est un jeu c'est de un rôle. Jeu de rôle. Un rôle, tu peux te déguiser en Pikachu pour te faire bourrer aussi. Voilà, tu t'es déjà déguisé en Pikachu pour te faire des foyers ou pas? Non. Jamais? Non. Jamais, t'as déjà fait des jeux de rôle sexuels? Ouais, mais c'était tellement naze. Ouais, elle s'est déguisée en la flèche clochette et c'était. C'était non, pas qui arrivait derrière. En juge. Ça aurait été bien. Moi, il y a une meuf qu'on a en commun qui s'est déguisée. En Blanche-Neige. Qu'on a en commun. Non, qu'on connaît. Ah. Qu'on a en commun. C'est vampire. Délire. Je suis malade. Écoutez ça. Ah, toi aussi, bah ouais, moi aussi. Pareil. Tu m'as refilé ta maladie parce que je sens mon nez qui. Et en fait. Et donc, cette meuf, elle s'est déguisée en Blanche-Neige. Ouais, génial. Et bon, on va faire les appels maintenant. Et donc, du coup, tu vas leur demander s'ils ont déjà fait des petits scénarios comme ça. Bah oui, allons-y. Scénarii. Ils sont, selon Biba, 38% à l'avouer, dont Amina qui l'a avoué. Tu t'étais déguisée en quoi, Amina? Non, c'est pas moi. En chienne. Ça va pas ou quoi? N'importe quoi. Oh là là. Pas du tout. Non, mon ex m'a dit viens, on fait un truc un peu original et tout. J'ai un costume. J'ai ok, donc je l'attendais. Et là, il est sorti de la salle de bain. Je vous jure que c'est vrai. Avec un gilet jaune. De la voiture. Nu. Ah ouais, putain, et le mec était original. Hein. Il a trouvé ça drôle. C'est naze. Bah, c'est hyper naze. En mec, quoi, de la DDE, c'est ça? Mais c'est. Oui, alors, je vais refaire le trottoir. C'est un des mecs dont tu nous as déjà parlé ou pas? Oui. C'est lui qui pétait sur sa sœur. Oui, d'accord, donc ça va. C'est le seul avec qui il est resté très longtemps, donc faut quand même le souligner. Bon, on va. Elle avait un peu d'attachement sur les trucs chelous. C'est vrai. Bon, on va appeler Tof, ça y est, grâce au numéro que vous envoyez. C'est tous les soirs sur le mail de Tof, toph@energie.com. On l'appelle maintenant et tu vas leur demander s'ils ont déjà eu des petits délires. Genre film de boule, scénario de film de boule quoi. Voilà. Allez, c'est parti, on y va, on appelle. Et on va tomber sur Amine. Mais non. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Voilà. Oui, bonsoir, voilà, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous étiez déjà déguisé pour faire l'amour monsieur. Bah ça se regarde ou pas? Bah oui, c'est pour ça que je vous appelle monsieur. Ouais, mais non, j'ai pas envie de te répondre. Bah oui monsieur, mais ça se fait pas, attendez moi je vous appelle pour ça, donc la moindre des choses c'est de répondre. Je m'en bats les couilles, va te faire enculer et pose tes questions à quelqu'un d'autre. Non monsieur, pas de ça entre nous, dites pas ça. Bah je m'en fous de ta question. Bah moi pas monsieur, moi j'aimerais bien avoir une réponse. Bah moi je m'en fous, tu t'as dans le cul. Oh non, dites pas ça monsieur, c'est pas gentil. Si. Non, allez répondez à ma question monsieur. Mais t'as quel âge toi pour poser des questions comme ça? Et moi j'ai 35 ans monsieur, bientôt 36. La vie doit pas être très facile pour toi tous les jours mon pote. Bah si ça va monsieur, moi je le vis bien. Ah ouais, bah t'as de la chance alors. Bah oui, je suis chez maman et tout, c'est cool. Hein. Ah ouais. Voilà. Et la question, t'as qu'à la poser à ta mère pour voir. Bah non, monsieur, moi je veux savoir si c'est vous ou si vous êtes déjà déguisé, monsieur, pour faire l'amour. Bah il y a 2 semaines, j'étais avec elle, tu verras, demande-lui. D'accord, mais ça me dit pas si vous étiez déguisé, monsieur. Bah pose-lui la question, elle te répondra elle-même. Bah non, monsieur, maintenant qu'on est au téléphone, répondez-moi, on gagnera du temps. C'est bon, je me rappelle pas. Bah je vous saoule pas, monsieur, je vous pose une question. Merde, il est parti. On va le rappeler, c'est pas grave. Hop là. Donc il était avec ta mère la semaine dernière, apparemment. Oui. D'après ses dires, en tout cas, on rappelle. On va continuer à enquêter, évidemment. Allô? Oui, je m'excuse, monsieur. Je sais pas ce qui s'est passé, on a été coupé. On n'a pas été coupé, c'est moi qui a raccroché. Bah, ça se fait pas, monsieur, vous aviez pas répondu à la question. Mais je m'en fous de ta question, tu te la carres dans le cul, je t'ai dit. Non, monsieur, dites pas ça, c'est pas si, gentil. Si, et puis tu vas te faire enculer. Oh non, non, monsieur, ça, pas de ça entre nous, c'est très violent, ça. Je m'en fous, tu dois bien aimer ça. Oh non, monsieur, non. Ah merde, c'est moi qui a raccroché, hein. C'est ça. Bah oui. Ouais, c'est ça. Et qui m'en fout, c'est moi qui a raccroché. Bon, on va le rappeler encore une fois, monsieur. Et c'est moi qui a raccroché. Allô? Oui, monsieur, je comprends pas pourquoi vous êtes violent comme ça avec moi. Moi, je vous appelle bah, gentiment. Parce que tu me saoules avec tes questions à la con, là. Tu t'écartes dans le cul et tu vas te faire enculer avec. Ah, bah oui, mais ça répondra pas à la question, ça, monsieur. Mais je m'en fous de ta question de merde. Oh non, dites pas ça, monsieur. Tu ferais mieux d'aller trouver du boulot et travailler, là, au lieu de poser des questions à la con à n'importe qui, de les faire chier, là. Bah non, monsieur, moi, je suis bien au chômage. Bah ouais, t'es bien au chômage, bah oui. Bah oui, donc je vais pas travailler comme ça, monsieur, hein, ça sert à rien. Oh, tu m'énerves, tu m'énerves. Oh non, dites pas ça, monsieur. Allez, ça, répondez à la question et puis on n'en parle plus. Je vais t'écraser. Bah non, enfin, monsieur, pourquoi vous voulez... Je vais t'écraser, tu verras. Oh non, monsieur, non, ça va être très violent, ça se fait pas des choses comme ça. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, allez, répondez à la question, monsieur, et puis on n'en parle plus. On souhaite une bonne soirée. C'est quoi ta question de merde, là? Bah c'est de savoir si vous êtes déjà déguisé pour faire l'amour, monsieur. Bah demande à ta mère, après tu iras demander à ta grand-mère aussi. Pourquoi faire, monsieur? Bah ils te le diront, il y a pas longtemps j'étais avec eux. Ah oui, d'accord, mais enfin moi je préfère que ce soit vous qui me répondiez, monsieur, ça sera plus simple. Ouais, mais ça ira plus vite que t'arrives à ta mère. Non, non, je préfère vous demander à vous, monsieur. Il m'énerve, putain, des questions à la con, là. Il m'énerve, ce mec-là. Mais non, dis pas... Et tu vas m'appeler tous les soirs? Bah non, monsieur, moi, si vous répondez à la question, je vous appelle plus. Ah, c'est quoi ta question, déjà? Bah, c'était de savoir si vous êtes déjà déguisé pour faire l'amour, monsieur. Et si je réponds, après, tu iras te faire enculer? Bah non, monsieur, pourquoi vous voulez que je fasse ça? Bah, ça te fera plaisir un petit peu, ça te détendra. Oh non, dites pas des choses comme ça, monsieur, c'est très violent. M'en fous que ça soit violent. Après, si vous répondez gentiment, monsieur, ça sera plus simple. Ouais, bah, je me suis jamais déguisé. Et bah, j'ai pas l'intention de le faire. Et bah voilà, monsieur, suffisait de le dire. Maintenant, on peut se souhaiter une bonne soirée. Non, bah, y'a pas de bonne soirée avec toi. On se fait des foutous. Oh, bah, encore moins. Bah, un petit câlin quand même pour souhaiter bonne nuit. N'importe quoi. Y'a rien du tout. Ah bon, d'accord. Allez, salut. Bon, bah, au revoir. Ouais, au revoir. Bisous, bisous. Je me rappelle pas. Non, d'accord. Mais bisous, bisous quand même ou pas? Non, pas de bisous, je suis pas pédé. Mais non, monsieur, pédé, c'est homophobe, ça se dit pas. Ouais, je m'en fous, c'est homophobe. Oh putain, il m'énerve. Allez, salut. Bon, bah, au revoir. Ouais, ouais, salut. Bon, on gardera son numéro pour un autre jour, on va pas le rappeler tout de suite. Par contre, je savais pas que une femme plus une femme, c'est le masculin l'emportait. Ouais. Parce qu'elle a dit oui, tu demanderas à ta mère et à ta grand-mère. Oui, j'étais avec eux. On a changé les règles d'orthographe, donc peut-être que. Il a dit ils te répondront, oui, un truc oui. comme ça. Ah oui, bah oui, forcément, parce qu'il a dit, il a dit j'étais avec eux, donc forcément, ça tombe sous le sens, hein, c'est logique en fait que ce soit ça juste après. Bon, on va s'écouter le son de DJ Snake maintenant sur Energy, DJ Snake et Justin Bieber, on revient juste après. Et si vous avez notre numéro de téléphone à proposer à Tof, touph@energy.com, on rappelle dans moins d'une heure. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Say go through the darkest of days. Having to heartbreak away. Never let you go. Never let me down. Oh, it's been a hell of a ride. Driving the edge of a knife. Never let you go. Never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you. Let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah. On est sur Énergie, passez une bonne nuit. Mickaël sur Énergie. Ce sont des sensations, des goûts, des couleurs. Mickaël. Intense et suave. De la passion et de la force. Sauf et sans saveur. Des miettes de cerveau, des produits périmés. Polo, de la dureté, de la noirceur. C'est dégueu et un peu salé. Amina, c'est quelques grains de semoule et de la douceur dans ce monde de brut. Mickaël sur Énergie, de minuit à 4h. Tous les goûts sont dans la nature. Ouais, il y a Mike qui dit « Salut la team, content de vous entendre après un week-end de 3 jours. Coup de pelle à toff pour moi avec plaisir. » Voilà. Roman aussi. Ah non, c'est Frédéric. Oui, bon, bah voilà, sur le Twitter qui dit « Allez au dodo, on s'endort avec la base. » Bon, bah c'est gentil de s'endormir avec nous, je sais pas comment je dois le prendre. Mais non, c'est positif. Bien ou mal, je sais pas. C'est comme ça. Peut-être, peut-être, en fait, ouais. Peut-être, peut-être. Julie aussi, bonne nuit à mon équipe préférée. Bisous à tous, sauf à Toff. T'as bien fait, Julie. Merci, Julie. Et Bibudem qui dit aussi écoute pour des heures de folie. Bonsoir la team, salut à toi, Buzz. Et Quentin aussi, salut l'équipe. Content de vous entendre ce soir. Coup de pelle à Toff également. Avec plaisir. Voilà, si vous avez envie de balancer vos messages là, n'hésitez pas en rapport avec l'émission forcément. Vous mettez le hashtag Mickaël sur le Twitter si vous êtes connecté. Sinon sur Facebook et Instagram, vous venez aussi nous rejoindre. Vous tapez M-I-K-L officiel. Et Amina qui a mis une belle photo de Toff également en mode discret en train de reluquer des meufs dans un bois. Ah oui. Oui, la photo est à mater sur le Facebook de l'émission. C'est vrai. M-I-K-L officiel. Voilà, mis ça cet après-midi. Bah quoi, c'est vrai? Oui, mais enfin, la photo est très mignonne. Oui. C'est adorable. La photo est adorable, effectivement. Bon, allez voir, et puis vous donnerez votre avis par vous-même. Vous verrez par vous-même. On va récupérer Anthony dans quelques minutes. Là, ça a raccroché, mais comme il est au boulot, à mon avis, ça a dû couper. On va récupérer Cyril, à mon avis. Non, deux raccrochages, à mon avis, ça va être une erreur de Seba au standard. Je pense que ça doit venir de là, à mon avis. C'est son doigt, il a glissé. Ouais, je pense. Je suis à l'aise. J'avais du gras sur les doigts, ça glissait. Je suis à l'aise. Coupe ta radio, Philippe, s'il te plaît. Ah voilà, okay. Très bien. Impeccable. Moi, je suis à l'aise, t'inquiète, je regarde la rediff du Dortmund-Real Madrid, là. voilà, je suis à l'aise, tranquille. De toute façon, c'est un match nul, comme d'habitude. Bon, alors, Philippe, tu voulais réagir par rapport à Anthony qui est tombé, je vais pas dire amoureux, mais en kiff, on va dire plutôt comme ça, sur une nouvelle collègue de travail. Il est avec sa propre meuf depuis 2 ans et demi, donc il sait pas trop si s'il doit y aller, s'il doit oublier, c'est même pas sa passer collègue. À autre chose. C'est la meuf de l'agence d'intérim, hein. Ouais, c'est ça. C'est la meuf de l'agence intérim, effectivement. Et donc, du coup, eh ben, bienvenue, Philippe. Toi, t'as déjà eu la même chose ou t'as juste ton avis à donner par rapport à toute cette histoire? Ouais, bonsoir l'équipe, d'ailleurs, tout d'abord. Merci de votre émission qui est très sympa. Avec plaisir. Bon, écoute, ça je t'en fait prie. Plaisir, bon, on fait pas ça pour vous, hein, nous. C'est parce qu'il faut bien payer le loyer, hein. Non, on rigole. Ouais, c'est bien, je comprends bien, tout à fait. Mais non, mais on se marre, évidemment qu'on se marre, bien sûr. Pourquoi toutes ces gentillesses qui t'arrivent? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Il va nous lâcher un truc dans la gueule, faites attention. On n'a pas de cadeau. Faites attention, il va nous lâcher un truc là, je sens que ça va. Non, vas-y. Alors dis-nous, donne-nous ton avis, Philippe. En tout cas, merci pour les compliments. Mon avis, si je peux lui. Moi, j'ai 49 ans, à 37 ans, bah, j'ai tout perdu pour ça. C'est un petit peu ce qui s'est passé. J'ai été voir ailleurs, j'étais avec une femme formidable, j'ai voulu aller voir ailleurs et j'ai tout perdu. Tu vois? Alors raconte, qu'est-ce que t'as fait et dis-nous tout. Alors, il y a 12 ans en arrière, on avait un commerce, on avait un bar tabac ensemble et. PMU, il y avait un PMU ou pas? Non, il n'y avait pas de PMU, non. Ah ouais, mais non. Bingo, au moins. Ah bah non, mais c'est pas un vrai bar tabac, alors. Bon, bref, c'est pas le débat. Il y avait un bar tabac, et en fait, j'ai fait la connaissance de quelqu'un, et puis j'ai un petit peu fait comme Anthony, j'ai réfléchi, et j'y suis allé. Et comment tu t'es fait gauler? Bah, je me suis fait gauler tout simplement parce que c'était une soirée bien arrosée. Si tu fais ça, on a fait ça dans le bar. Dans l'arrière boutique, entre les cigares et les clopes. Ouais, je me suis fait gauler parce que j'ai fait ça dans le lit conjugal. Bah oui, forcément, oui. Elle avait fini de faire le repassage. Après la soirée arrosée, on a fait ça dans le bar et en fait, dans le bar, j'oubliais qu'il y avait des caméras. Oh là là, mais c'est possible. Comment t'as pu oublier qu'il y avait des caméras? C'est ton bar. Il est bourré, il est torché. Je sais. Ouais, une soirée bien arrosée. Et le soir, je suis rentré tard. Le lendemain matin, bah, tu sais, une femme, hein, c'est un petit peu la notion de d'un petit peu tout voir. Elle a regardé la caméra, elle a tout découvert. Ah oui. Elle a vérifié. Tout simplement. Bah oui, forcément. Et donc, du coup, elle t'a foutu dehors, quoi. Bah, du coup, elle m'a foutu dehors. Ouais, elle m'a foutu entre guillemets dehors. On a divorcé. Et, tu lui as donné la moitié, voire plus de ce que t'avais. Voilà, on a tout perdu. Enfin, j'ai tout perdu. Voilà. Tout ça pour un coup de bide. J'espère qu'au moins t'as kiffé ta mère. Hein. C'est une façon de parler, c'est une expression. Ouais, c'est vrai, mais voilà, je le paye toujours. Mais oui, mais et parce voilà, que. Des fois, je le repense. Et c'est là que tu te dis, putain, ça vaut c'est cher. Mieux vaut une bonne branlette. Hein. T'es tranquille, personne t'emmerde. Eh Philippe, ils le disent les vieux. Non ? Faut toujours faire attention. Bah, faut faire attention, faut pas faire n'importe quoi. Bah, je sais, bien sûr. Mais à quel moment j'avais 37 ans, j'étais jeune. Et voilà. Mais t'es con surtout. Ouais, jeune et con, hein. Mais bon, écoute, qu'est-ce que tu veux. C'est comme... Et, jeune et con, hein, qu'est-ce que tu veux. Et l'autre, elle est, l'ancienne, elle s'est remariée et tout. Ah ouais, non, mais. Elle est avec quelqu'un d'autre. Ah bah oui, avec ton argent. Et forcément, elle a refait un peu sa vie, quoi. Oh la vache. Aussi. Mais bon, ça m'empêche pas de penser quand même à tout ça. J'ai mon fils maintenant qui a 18 ans et qui m'a demandé. Qu'est-ce qui s'était passé avec maman? Et voilà. Et ben j'ai baisé une cliente sur le bar. Et elle te manque un peu l'ancienne ou pas? L'ancienne vie. Ah oui, bien sûr. Bah bien voilà, sûr. Tu vois, t'as fait de la merde. Voilà. Bah ouais. C'est pour ça que je déconseille très fortement Anthony. Après, il fait ce qu'il veut. Hein. Ouais, mais non, je lui déconseille très fortement, il peut le payer des fois très cher. Voilà. Ou alors, tu fais comme Toff. Tu fais comme Toff, tu vas voir à gauche, à droite. Mais non, pas du tout. Mais je ne vois pas de quoi tu parles, mais enfin. Ouais, évidemment, les caméras, là, tu peux rien faire. Hein, là. Mais c'est pas moi, non. Et puis on voit pas bien, tu vois bien que c'est flou. Ouais, c'est ça, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Non, bah, non, écoute... non, mais là, j'ai pas. Bon, attends, Anthony, t'as entendu l'histoire ou pas? Ouais, j'ai entendu. Mais attends, juste une question, du coup, parce que c'est vrai qu'on t'a pas posé, on te l'a pas posé. Mais toi, tu voudrais éventuellement. Tu veux juste te la faire, la nouvelle, ou c'est genre, t'hésites quand même à vraiment. Quitter la première, en gros, c'est pas juste un coup comme ça pour essayer. Bah, j'hésite entre les deux, quoi. Ah, ouais, d'accord, ok. Bon, ouais. Parce qu'il s'ennuie avec sa copine. Ah, peut-être. Il s'ennuie parce qu'il est dans le confort. Oui, voilà. Tu sais, c'est comme quand t'as bouffé comme un gros porc, en règle générale, quand tu sais que tu vas avoir de la bouffe, tu jettes la bouffe. Eh bah, oui. Alors que quand tu crèves la dalle, bah, tu bouffes tout la moindre. J'ai un autre exemple. C'est quand t'es en Ferrari, à un moment, tu parfois t'accélères même plus parce que tu dis bon. C'est vrai, il a raison. Voilà. Non, mais c'est ça. Ouais, t'as raison. Hein. Ah, c'est pareil. Parfois, il est bon de reprendre une deux chevaux pour te rendre compte, pardon, de ce que t'as entre les mains. C'est vrai, hein? Ouais, sûrement, ouais. Bah, quoi? J'ai pas raison, Amina. Oui, bah si, t'as raison quand t'as dit ça. Tu veux rappeler Amina du standard? T'as raison. Ah, tu vois, il me semble bien. Bon, bah Philippe, bah merci en tout cas pour l'anecdote. Hein. Enfin, pour l'anecdote, après pour la petite histoire. Après, ce que je dis à Anthony, on dit toujours, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on trouve. Et c'est vrai, oui. Philippe, là, je veux voilà. Non, va revoir là. Elle est célibataire, l'ancienne, ou elle est toujours mariée? Non, elle est toujours mariée. Putain, attends, s'il y a au cas où, essaye de la. Pour finir tes vieux jours, essaye de la repêcher. Ouais, reste en embuscade, hein. Ouais. Si jamais. Je reste. J'imagine. Fou, bon, écoute, qu'est-ce que tu veux que. Eh ben merci Philippe. Il y aura Cyril dans un instant, du coup. Bouge pas de là, Cyril. Anthony, bouge pas de là non plus. Et puis à bientôt Philippe. Merci d'avoir appelé. Bonne soirée à tous. Merci. Salut à toi. Bien. Bonne nuit. Bye bye. Et bah appelez-nous aussi. Tiens, 01 40 71 5000. Est-ce que vous avez déjà du coup, bah comme Anthony, bon lui il est encore en mode hésitation, mais est-ce que vous avez déjà franchi le cap? Est-ce que vous avez déjà trompé votre copain ou votre copine en vous disant bah c'est juste pour essayer, personne le saura. Et bon, évidemment, vous vous êtes fait gauler, hein, comme à chaque fois. Car il faut savoir que tout se sait un jour. Tout, et oui. Tout. À un moment ou à un autre, ça te trompe. Tu peux te faire gauler dans la seconde. Tu peux te faire gauler 10 ans après. Mais il y a un moment, ça va revenir. Exactement. Il y aura toujours le retour du bâton qui va faire que. Et putain, Toff, je peux te dire qu'il va prendre des coups de bâton. Oh, mais non. Mais ah, alors là, qu'il a, je pense que c'est pas grave, je fais comme d'habitude. Mais non, je vois pas de quoi tu parles. Non, c'est pas vrai. Mais non. Enfin... Toff, il donne plus de nouvelles, c'est encore pire. Voilà, ça, c'est le meilleur. C'est l'autruche. Ah, t'as vu sa gueule. Non, c'est pas l'autruche. C'est je pars en courant, c'est de lapin. C'est la technique de l'autruche. Tu mets la tête dans le sable et t'attends que ça passe. Exactement. Il attend que ça passe, ouais. C'est ça. C'est exactement ça. Bon, on va se faire le menteur. Elles adorent qu'on leur mente dans quelques minutes avec la Xbox One à gagner, la PS4 ou la tablette Samsung Galaxy Tab E. Juste le temps de s'écouter le son de Shawn Mendes en mode de la cool, tranquillement. Il est 1h du mat tout pile. C'est Mickaël sur Énergie. On est là toutes les nuits. 01 40 71 5000. Appelez-nous, vous passez en direct. I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me why are we wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead. Stop time for you. The second you say you'd like me to, I just wanna give you the loving that you're missing. Baby, just to wake up with you would be everything I need. And this could be so different. Tell me what you want to do. Cause I know I can treat you better than he can. You better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you. Sur Énergie, 1h03 du matin, il y a le son de Alonso qui va arriver tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, il va pas tarder. Ce sera le prochain. Et on est toujours au cœur de la nuit sans pub. Mickaël sur Énergie jusqu'à 4h. J'ai fait un rêve. Plus de libre antenne, plus de rire, plus de musique, plus de radio. Rien. Rien. Mais vraiment rien. Le vide absolu. J'ai fait un rêve. Plus d'insultes, plus de délires, plus de cadeaux, plus d'auditeurs. Rien. J'ai fait un rêve. La nuit, on dormait. Mais j'ai su que c'était un rêve. Top était tellement beau dans ce rêve que c'était pas possible. Mickaël, Polo et Amina, du lundi au jeudi, de nuit à 4h, sur Énergie. Et ne pas oublier le dimanche aussi, on est là de 20h à minuit sur Énergie. Bon, on va également, avant de récupérer Franck, Cyril, et putain, il y a plein des mecs dans la même situation. Vous remarquerez qu'il y a peu de filles. Hein. On en a eu une, Sophie, tout à l'heure. Ouais. Mais sinon, il y a quand même peu de filles qui l'avouent, en tout cas. Mais oui, c'est ça. Être pas. Dans le cas où elles sont proches de tromper leurs copains. Et donc, bah, soit elles n'ont pas franchi le cap, mais appelez-nous quand même pour nous le dire. Soit vous l'avez fait, donc là aussi, vous pouvez nous appeler pour nous le dire. 01 40 71 5000 et si vous êtes en Belgique, 02 703 007 1. Bon, on va se faire avant ça le menteleur. Elles adorent qu'on leur mente et nous allons faire ça avec Christelle qui est avec nous maintenant. Salut Christelle. Salut. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, bah tant mieux. Christelle, t'appelles d'où? De Grand Halleux. De Grand Halleux. Oui, c'est tout près de où? De Vielsalm. C'est Liège ça? Oui. C'est Liège? Enfin, près du Luxembourg. Ah, pas du tout, alors. Enfin, d'accord. Près du Luxembourg. Ok, d'accord. Très bien. Bon, écoute, très bien. Bon, Tof, t'as déjà couché avec une meuf là-bas ou pas? Non, pas non, encore. Non, jamais été à Vielsalm. Non, c'est trop loin, c'est trop loin. C'est au-delà, trop loin. Au-delà de nos châteaux, moi, je vais pas. Oh là là là là, c'est l'autre. L'autre, il a son pied. Le mec, il a ses frontières. Il a sa géographie. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est pas Tofland. C'est pas ça. C'est le temps pour y aller. Vous comprenez rien. Et l'essence qui doit payer. Et l'essence, bien sûr, ouais. C'est cher. Bon, on va jouer, Christelle. On va jouer au jeu maintenant. Le menteleur, à Zador qu'on leur ment. Tu veux qu'on piège qui? Mon compagnon. Ton compagnon. Comment s'appelle-t-il, ton compagnon? C'est marrant de dire un compagnon. Je déteste. Mon concubin. C'est horrible le mot. Ah, j'avoue, ouais. Bon, alors raconte. Donc, il s'appelle comment le concubin, le compagnon? Jimmy. Jimmy, d'accord. Quel âge il a? 29 ans. 29 ans, très bien. Il fait quoi dans la vie? Il travaille dans le parachèvement. Dans quoi? Dans le parachèvement. Il met des plaques de Gyproc, il fait les jouets et tout ça. Des plaques de Gyproc? Je comprends pas. Ah, c'est le placoplate. Le placoplate, les faux murs, les murs, tu sais, genre. Oui, mais c'est quoi la profession? Parachèvement. parachèvement. Bah, je crois qu'en fait le bâtiment est terminé, puis après il parachève dans le sens où il met les petits murs, quoi, tu vois. Je sais pas, moi, j'essaye de trouver une explication. Écoute, je suis bête, mais j'ai jamais entendu ça. Bah, écoute, moi non plus, mais enfin voilà, on se couchera moins con ce soir. Parachèvement. Bon, alors, Christelle, donc Jimmy, 29 ans, donc il travaille dans le bâtiment, quoi, on va. Oui, dans le bâtiment. Voilà, c'est plus simple. Toi, tu fais quoi dans la vie? Maman. T'es maman, ah, c'est un bon métier. C'est ça, t'as très bon étude pour être maman. Donc, s'il vous plaît. Non, je disais combien d'études pour être maman. Bon, donc c'était une vanne. Donc mère au foyer, toi t'as quel âge? 32 ans. 32 ans, Christelle, d'accord. Bon, le principe est très simple. On va donc essayer d'en savoir un petit peu plus sur votre couple et tout ça. Et on va t'imposer après trois mensonges. Il va falloir que t'arrives à les lui faire croire, bien entendu. Si t'arrives à les lui faire croire, il y a une PS4 à gagner ou une tablette Samsung Galaxy Tab E. Mais pour ça, Christelle, faut que tu nous dises, est-ce qu'il y a des... déjà, est-ce qu'il est jaloux? Très jaloux. Très jaloux, parfait. Ok, alors, est-ce qu'il y a des trucs que tu fais qu'il n'aime pas? C'est genre, par exemple, attends, tu fumes ou tu picoles ou tu vas, tu sors parfois en boîte avec des copines et ça l'emmerde. Tu fais caca par terre. Tu fais caca par terre. Il y a plein de trucs qui l'énervent. Amina, Polo, sort de ce corps. Voyons. Ah non, je ne suis jamais rentré dans ce corps. Ne me mélangez pas comme ça. Qu'est-ce que tu disais, Christelle? Je dis, il y a plein de trucs qui l'énervent. Bah, vas-y, alors, balance. Bah, il est très jaloux. Ouais. Puis, il a cassé la nouvelle voiture. T'as pété. Il y a quoi? Il est amoureux de sa nouvelle voiture? Oui. C'est bien, c'est quoi comme voiture? Il y a trois macos là et chaque fois que je roule avec, il faut qu'il aille regarder la voiture. Ah ouais, d'accord, le mec a confiance, quoi, c'est bien. Et c'est quoi comme voiture? Une Renault Kangoo. C'est une... J'ai rien contre Renault, mais il est amoureux de sa voiture. Renault Kangoo. Il est sortir Aston Martin, Porsche. Et là, mais, tu dis ouais. Mais il a pris des options sur sa Kangoo, la porte latérale ou pas? Ouais. Attends, la porte coulissante. C'est cette place. Attends, c'est le 7 place, alors d'accord. Attends, c'est le 7 place. Je vais quand même vérifier pour être sûr. Ouais, ouais, c'est la camionnette, la Renault Kangoo. Ouais, d'accord. Kangoo, c'est la camionnette un peu ronde comme ça. C'est bizarre quand même qu'il soit amoureux. De la poste. Oui, c'est ça, ouais. Avec la poste. Oh, mais c'est génial, on va pouvoir se foutre de sa gueule à mort, ça va être génial. Bon, donc il est amoureux de sa Kangoo, ok, d'accord. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il n'aime pas que tu fasses ou... Amina va pas s'en remettre. Pardon. C'est génial parce que c'est le seul jeu où on rigole avant de faire le jeu. Tu vois, rater ou pas, c'est pas grave. On s'est marié avant, c'est le principal. Bon, ok, donc qu'est-ce qu'il aime pas d'autre? Que je le contredise. Ouais, bon, oui, donc bon, après, c'est un mec, c'est normal. Ouais, voilà, donc contredire, ok. Il y a des copines que tu fréquentes qui n'aiment pas? Non, pas spécialement. C'est genre des mauvaises influences, c'est genre la meuf qui te fait rencontrer, enfin qui te fait sortir et tout ça, alors que bon, comme lui est jaloux, non, ça l'emmerde un peu, non? Non, pas ça, non. Non, d'accord, ok. Qu'est-ce que j'allais dire? D'autres idées de questions qu'on peut poser pour gratter un peu, Amina? Oui, où es-tu là actuellement? Ouais, t'es où par rapport là, à lui? Là, je suis chez moi et lui est au travail. Et qui a la voiture? Attends, il met des murs à cette heure-ci? Oui, il travaille de nuit pour le moment. Ah, d'accord, ok. Bon, très bien. Donc, mais c'est lui qui est parti avec la voiture? Ah, il est parti avec le Kangoo là. Ah merde. Ah, ouais, on ça, pourra pas casser le Kangoo. Merde. Non, lui est parti avec la camionnette de travail. Pas avec le Kangoo. Non, pas avec le Kangoo. Donc tu peux avoir eu un accident avec le Kangoo. Voilà. Oui, voilà. Bah parfait. Bon, pas forcément un accident, ouais, mais un j'ai bien une idée, genre avec Michel, l'amant éventuel, bref. Enfin, pas l'amant. Michel, bon. L'amant et le Kangoo. C'est ça qui est un ok. Belle histoire. Ça. Bon, des idées de mensonges, Amina? Oui, j'en ai une. Très bien, Polo. Ah bah oui. Ah bah ouais, Tof. Bah oui, oui, forcément. Seba, évidemment non. Comme d'habitude. Aucune idée. Bon, si vous avez des idées, si vous avez des idées, vous qui êtes derrière la radio là, si vous avez des idées à proposer comme mensonge qu'on peut imposer à Christelle pour jouer, envoyez Mickaël et votre message au 612 ou le hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission. Bon, Christelle, tu restes avec nous, on se met un son, je te reprends après, d'accord? D'accord, pas de soucis. Très bien, et ben voilà, on fait le mentez-leur à l'heure qu'on leur mente, on fait ça juste après, comme promis, le son de Alonso qu'on écoute tout de suite, il est 1h10. C'est Mickaël sur Énergie, passez une bonne nuit à l'écoute. Binda dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, traîne de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Et tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et quand elle déboule sur la piste de danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, sous bout. On a perdu la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil de minuit, elle fait tomber les enfants sans blabla. Elle provoque des bagarres, foutent qui posent du lourd. Et quand tu consultes ton portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place et tu rêves des fous. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. Elle vit la nuit. C'est Mickaël sur Energy. Parce que la nuit, c'est un lieu secret. Un lieu magique. Chaque nuit est un événement. Parce que la nuit n'est pas faite que pour dormir. Et que la nuit, il se passe bien des choses. Mickaël s'installe tous les soirs, de minuit à 4h. Alors profite-en. C'est sur Energy. Et sur Facebook, Twitter et Instagram. M-I-K-L officiel. Bon, il y a plein de messages qui arrivent là. Revendre la voiture pour des vacances. Elle a sucé dans le Kangoo, c'est Olive. Ah, c'est pas mal ça. Frédéric qui dit elle veut bien faire une partouze à l'arrière du Kangoo. Elle a prêté la voiture à l'amant Michel et il l'a broyé. Revendre la voiture pour des vacances, c'est pas mal. Il y a Anto Lastico sur le Twitter qui dit Michel, l'amant et la Kangoo bientôt chez Marc Dorcel. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas... Ou dans le journal du Hard. Pourquoi pas. On est pas, en train de faire un grand débat. Enfin, on. Toff et Amina sont en train de faire un débat puisque Toff veut absolument qu'Amina anime le journal du Hard. C'est moi qui ai lancé ça. Pour le et donc moi, bien sûr. Je dis juste parce que moi, je trouve que cette émission est hyper bien faite visuellement. Bah, c'est super. Voilà, c'est tout. Et Amina, je rêverais donc de faire le journal du Hard si jamais Canal nous écoute, qui n'hésite pas à faire une proposition, bien entendu. C'est une très belle émission, etc. Mais non, c'est pas mon genre, quoi. Voilà, elle rêve. Mais Toff a envie de faire des castings. On en parlera. Moi, j'ai déjà fait des castings, il a dit. Voilà, et donc, si quelqu'un veut me proposer de travailler sur le journal du Hard, avec plaisir. Ben oui. Bon, il y a Edouard qui dit Kangoo Collector. Moi, je mords de rire à la Kangoo, je suis au bout du rouleau, j'en peux plus. Non mais c'est vrai, j'avoue, hein, le coup de la Kangoo, c'était quand même assez incroyable. Phénoménal. Bon, on va récupérer Christelle pour faire ce menteleur. Elles adorent qu'on leur monte. On a eu pas mal d'idées. On va faire le tour de table également. T'es toujours là du coup, Christelle? Toujours là. Bah, très bien, parfait. Nous allons donc jouer ensemble maintenant. Le menteleur, elles adorent qu'on leur mente. Et bon, pour rappel, pour ceux qui viennent d'arriver, parce que forcément, il y en a qui viennent d'arriver, hein, évidemment. Eh bien, nous allons donc piéger ton mec qui s'appelle Jimmy, c'est ça? Oui. Très bien, parfait. Donc on va donc tenter de faire chier Jimmy. Hein. On va faire chier Jimmy avec le menteleur attendant qu'on leur monte. Alors, Jimmy, 29 ans, il travaille dans le bâtiment. Il est jaloux. Il est... il adore sa Renault Kangoo. Toute neuve, bien sûr, elle a 3 mois. Là, c'est ça. Il déteste qu'on le contredise, en l'occurrence. Toi, t'es Christelle, 32 ans, t'es mère au foyer. Et Amina avait des idées de mensonges. Le principe est qu'on va t'imposer 3 mensonges, évidemment. Hein. D'accord? Oui. Très bien. Alors, une idée de mensonge, Amina. Oui, merci. Ça commence bien. Christelle. Tu veux gagner une tabloute? Christelle, en fait, elle rêve d'avoir une décapotable, sauf qu'ils viennent juste acheter une nouvelle Kangoo. Ouais. Donc du coup, elle a croisé un pote, Michel, qui est hyper calé en tuning, et là ils viennent de démonter le toit, ils l'ont scié, ils l'ont arraché, tu vois. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Comme donc, ça, il est stylé. Donc on a scié le toit du Kangoo. Scié le toit du Kangoo pour en faire un cabrio. très pour bien. L'hiver. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, moi, j'ai ma disqueuse. Attends, je dois avoir ça quelque part. C'est bon, tu te déplaces jamais sur ta disqueuse. Bah, évidemment, évidemment. C'est un peu gros comme morceau, j'en ai pas. Ouais, mais attends, tu veux pas non plus qu'on te dise simplement, ah, j'étais aux toilettes, j'ai fait caca vert. Si tu veux, c'est facile à placer ça. Hein. Donc, bah non, il faut que ce soit un petit peu difficile, évidemment. Hein. Grand haleux. Voilà, en plus, j'ai ma j'ai ma scie circulaire là, on va pouvoir découper le truc. Ah, t'as vu? Hop là, voilà, est-ce c'est qu'on peut bon. Couper la tête de Toff comme ça là. Oh, on va essayer. Non, bah attends. Qu'on puisse sauver l'humanité. Attends, on va plutôt. Ah, ouais, ça c'est bien ça. Je vais plutôt la faire comme ça la tête t'inquiète de Toff. Pas, ah, bah... Attends, ça va là ou pas? Parfait. Ça va? Attends. Oui, je sens que ça se détache. Ah, bah tant mieux. Alors attends. Oh, il y a du sang partout, oh, ça gicle de partout, c'est dégueulasse. Attends. Attends, je termine, je fais la finition. Je ralentis un petit peu pour que ce soit plus propre. Hein. Il est solide le porc. Hein. Tu parles plus. Attends, attends. Ah bah voilà, la tête vient de tomber. Ça y est, la tête est tombée. Hein. Ça y est. C'est ignoble. Bah, c'est génial. Ah bah, donc Toff, on en a débarrassé jusqu'à la fin de l'émission. Ouf, ça y est, le temps qu'on recolle tout ça. Est-ce qu'on peut mettre sa tête dans la glace? On va mettre ça, ouais. On va aller la ramener à l'hôpital. Heureusement, il y a un hôpital à côté de la radio. Avec un peu de gulu. Bon, donc Christelle, revenons à nos moutons. Donc l'histoire de la kangoule décapotable, parfait. Polo, une idée de mensonge. Eh bien, tu peux lui dire que tu as été inspiré par son métier, que tu as envie d'être parachevé et que tu as envie qu'il lui... Pourquoi tu rigoles? Tu as envie qu'ils te mettent des plaques au plâtre un peu partout sur le corps. Des tu as comme une seconde peau, comme un papillon. Quoi. Ah, ah, exactement, voilà. Ouais, entouré, c'est ça. Voilà. Voilà, c'est ton nouveau délire sexuel, voilà. Christelle. Et après, il fera un petit trou au milieu, puis vous aurez une relation sexuelle avec. Évidemment, t'es pas obligé de tout faire dans l'ordre. Hein. Tu fais ça évidemment comme tu veux. Quoi? Donc ton nouveau délire, c'est que bah, comme il travaille dans le bâtiment, t'as tu envie de mettre parachevé. Attention, non, t'as envie qu'il te mette du plâtre sur tout le corps et que vous ayez une relation sexuelle, mais en plâtré. Voilà. C'est beau, non? Emplâtré. Ouais, emplâtré. Une idée, Toff? Bah, moi, je propose que, en fait, comme t'es mère au foyer et que c'est toi qui fais tout, t'en as marre et t'aimerais bien qu'il fasse le ménage au moins une semaine sur deux. Comme ça, toi, t'as le temps de sortir avec tes copines. Oh oui, c'est pas mal ça. D'accord. Voilà. Ça, c'est juste normal, c'est pas une blague. Ouais, non, c'est un mec. Il fait de temps en temps le ménage ou il touche absolument pas à ça? Non, il déteste faire le ménage. Il a raison, voilà. Ça peut apporter des maladies vers les mecs. C'est voilà. Comme ça, quand je lui demande, c'est tu sais faire la vaisselle? Il met de l'eau dans les vieilles. Mais évidemment, qui sait, je veux dire, il est quand même pas débile à ce point-là quand même. J'imagine qu'il peut le faire. Oui, mais il met tout dans les vieilles, puis il me dit voilà, la vaisselle est faite. Oui, non, tu lui dis qu'il doit faire la lessive et le repassage, mais non. Oh là là là là. Là, je suis sûr, il va. Il... Ouais, dorénavant, t'as décidé. Ouais, t'en as parlé avec une amie ou avec. Ouais, et avec vous allez une amie. Partager les tâches. Et voilà, donc c'est comme ça dorénavant. Elle, dans son couple, c'est comme ça. Voilà. Et bah, chez toi, ça doit être comme ça aussi. Il va faire les tâches ménagères et puis c'est tout. D'accord? Et tu rajoutes à la fin enculé. Ouais, tu peux rajouter enculé, évidemment. Éventuellement. Voilà, donc n'oublie pas pour le. Pour, bah, je te conseille de faire le kangou en fin de. Je te le conseille, en fin de tu parcours, fais ce que tu veux, oui, mais c'est le meilleur. Enfin, et du coup, tu dis que t'as un pote, Michel, là, copain d'une copine, enfin bah, peu importe, qui est venu pour. Qui travaille un peu en carrosserie et qui est venu disquer le toit du kangou. La voiture. Voilà, pour faire un cabrio. Okay, mais Christelle, dis-lui que voilà, t'as mûrement réfléchi, c'est que maintenant tu te lâches, voilà, t'en as eu marre. Voilà, c'est ça. T'es sous pression et que tu voulais tout. Exactement. Lui dire maintenant. Paf, voilà. Dans sa gueule. Voilà. Pas enculé, hein. Bon, t'es prête? D'accord. Allez, on appelle. J'espère qu'il va décrocher à cette heure-ci, surtout s'il est au travail. On va espérer. Hein. C'est parti, on y va. Bonne chance, Christelle. Merci. Et PS4 à gagner, n'oublie pas. Ah, j'espère que ça a fonctionné. J'ai des doutes sur le fait qu'il soit l'emplâtrement. Elle vient d'une tabloute? Une tabloute. Tabloute. Voilà. Allô? Là, il faut répondre, Christelle. Allô? T'es sérieux ou quoi? Oui, bébé, c'est moi. Ah, mais quand même. Il faut que ça arrive jusque chez elle. Ah, mais bon. Je te parle? Ça va, ouais, toi? Ah oui, c'est bien que t'es au travail. Mais je voulais. Voilà, je suis à la maison, je regarde la télé et. Je pense. Et... Vu que t'es au travail, donc déjà, je suis en train de penser qu'on ferait bien l'amour dans le parachèvement. Si tu m'en plâtres avec ton plâtre. De quoi? Ben de quoi? C'est toujours pareil, de toute façon. Moi, je suis pas là que t'as envie de moi, toi. Ouais, mais là, c'est pas bon, là, je pense au plâtre. Tu me dis que t'allais mettre plâtre et que tu pourrais me caresser le corps avec ça. Qui te dit que je travaille avec du plâtre, là? Parachèvement, t'as du plâtre pour faire tes jouets, non? Je suis en train de mettre des packs de Ziproc. Des jouets, c'est pas encore maintenant. Hein. T'es bien nerveux. Oh, il est chaud. Ah oui. C'est pas me sonner tantôt quand je m'impose. Ben ça va, t'es tout seul au crâne. Aller aux toilettes, bien parler. Quelque chose, quoi. Ben, je suis pas tout seul, j'ai un collègue, hein, ça y est. Ah merde. Mais c'est pas. C'est, le but, c'est pas de chauffer son mec. Enfin, c'est bien aussi, mais. Avec du plâtre. C'est vrai. Bon, étant qu'on est là, j'aimerais bien aussi te demander, voir si tu serais d'accord de faire le ménage une semaine sur deux, parce que voilà, avec les enfants, j'en peux plus. Tu ne m'aides pas, tu fais rien du tout, donc ce serait bien que tu m'aides un peu à faire du ménage. Au moins une semaine sur deux. Ben, désolé, t'as vu à l'heure que je pars et à l'heure que je range aussi. Ben ouais, mais quand tu fais pas les nuits, tu fais la journée, tu pourrais me donner un coup de main. Ben ouais, ben des fois, désolé, je suis fatigué, et voilà. Ben, t'es d'accord? Ben je sais pas, on verra bien. Oh là là, dis. Ben tu me poses cette question-là, tu peux pas me les poser tantôt. Tu sais. Ben non, tantôt, moi je serai au lit. C'est quoi? Tantôt, moi je serai au lit. Tantôt, c'est tout à l'heure. Et savoir, c'est pouvoir. Donc, je te répose maintenant. Les traductions. Enfin, je répose maintenant, ouais. Je prends pas des pauses comme je veux. Bon, et hop, le cabriolet. Je vais m'introduire dans le cabriolet. Et puis après, je voulais te dire aussi que la voiture que tu m'as achetée. Ouais, quoi? Je peux y aller, ta voiture. Seule, hein, c'est bon ou pas? Si, je connais. Attends deux minutes. Bon, bah parce que moi je démarre déjà la machine, hein, je l'ai branchée, c'est bon. Hein. Quoi? Tu te rappelles que la voiture, je voulais une décapotable. Ouais, quoi? J'ai trouvé quelqu'un, il s'appelle Michel, il est d'accord de me faire une décapotable lors de ta Renault Kangoo. Ouais, bah avec les seuils. Voilà, bon, je démarre, hein. Oui, tu ouais, peux. Ouais. Moi aussi je vais démarrer. C'est à la maison. Hein? Oh, voilà. C'est à la maison. Ça, c'est le premier. Oui, c'est à la maison. Voilà, attends, je mets le deuxième. Mais attends, dis-lui qu'il doit pas s'en faire, hein. Je suis un peu carrossier, je gère tout ça, y a pas de problème. Non, moi, un peu je suis carrossier, toi, ce que je vais faire avec ta tête. Attends, mais passe-le-moi, comme ça je lui explique. Ouais, vas-y, viens. Attends, je te le parle. Vas-y, passe-le, ouais. Allô? Ouais, quoi? Ouais, c'est Jim. Ouais, Jim, ouais. Déjà, c'est pas Jim, c'est Jimmy, moi, ça va? Ouais, enfin, c'est pour. Non, c'est pour que ce soit plus rapide, c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est plus rapide, ouais. Bon, et écoute, ne t'inquiète pas, hein, si franchement. Tu touches à ma bagnole. Pourquoi faire? Bah, si tu touches à ma bagnole. Bah, non, mais c'est elle qui m'a demandé simplement de. Ah ouais, de refaire quoi, le. Elle va te dire de jeter dans l'eau, tu vas y aller aussi? Non, mais ça n'a rien à voir, elle me demande un service. Bah, ouais, service. Bah t'inquiète pas, moi je regarde souvent les émissions des émissions de voitures, tu sais, sur Discovery, tout ça, il y a plein de. Moi aussi je regarde, ta casse. Je suis champion du tuning, donc t'inquiète pas. Non, franchement, t'inquiète pas. Gas Monkey, toi, c'est ça? De quoi? Gas Monkey, c'est ça? Non, mais j'ai déjà découpé sur les côtés, là, t'inquiète pas, on verra rien, on va mettre une bâche dessus. J'ai trouvé une bâche au bricot, là, et donc pas de problème, hein, tout va bien se passer, il y a aucun malaise, la voiture elle va être d'équerre. Hein. Ouais, c'est quoi ces conneries là? Bah, c'est pas une connerie! Attends, une seconde, ouais, là, c'est... Attends. Attends, bouge pas! Attends, tiens la porte, Christelle là. Voilà! Ouais, donne un coup de marteau en même temps! Ouais, voilà, ouais! Ok, nickel. Bah voilà, là c'est parfait. Là c'est impeccable. Bon, bah écoute. Il y a moyen de mettre une capote? Ah oui, on va mettre une capote, hein, dans les deux sens du terme d'ailleurs. De quoi? Mais pourquoi tu t'énerves? Mais si tu fous ta capote, laisse ma bagnole tranquille, je t'ai dit. Mais non, mais attends, mais moi je rends service, tu me parles comme ça, tu t'es pris pour qui là? Ouais, bah toi tu te prends pour qui? Espèce de travailleur en bâtiment, va. Ouais, quoi, qu'est-ce que t'as, quoi? Toi qu'on a travaillé en quoi, toi, espèce de chômeur, va. Bah, moi, je suis au chômage, justement, moi, je travaille pas, c'est vachement mieux. Je travaille pas pour toi, espèce de sale connard de merde. Bah, attends, je te rends service, que je sache, là, hein. Ouais, je te rappelle que la voiture, tu sais ce que ça vaut, transformer un Kangoo en cabriolet? Et tu sais combien ça va coûter, ta tronche, quand je vais la transformer aussi? Mais tu vas rien faire du tout, attends, tu rigoles ou quoi? Moi, je vais prendre ma scie circulaire, je vais te la mettre dans la tronche aussi, tu vas voir. Viens avec ta scie circulaire, tu vas voir. Mal poli, va. Mal poli. Touche pas ma bagnole, espèce de sale connard. Bah attends, déjà c'est pas ta bagnole, c'est celle de Christelle. Elle m'a dit que elle te l'avait filée. Ouais, c'est ça. Alors qu'est-ce que tu racontes? Reste un peu calme et déjà tu pourrais t'excuser un petit peu là quand même, hein. Parce que moi je rends service. Je m'excuse de rien du tout, moi. J'essaie de rendre service là, j'essaie de rendre service à une copine. En plus, elle a dit qu'elle me paierait en nature, donc viens pas trop vite, hein. Ouais, bah ça va, pas de soucis, une heure je suis là, t'as pas. Oh bah une heure c'est parfait. Ouais, ça va. Non, mais tranquille, mais quoi, t'as une heure de route? Allô? Oh merde, il a raccroché. Il est parti là. Oh putain, pour le reste, il s'est pas énervé. Au contraire, à la limite, au début, il était un peu chaud. Elle t'avait dit la voiture, faut pas toucher à la voiture. Ah ouais, non, bah là, il faut pas toucher à la voiture, non. C'est-à-dire que le ménage, à la limite, ça passait, mais la voiture, c'est dead. Bon, attends, on le rappelle. Allô? Merde. Oh, tu vas voir qu'il n'y a pas décroché. Allô? Allô, quoi? Ouais, mais je comprends pas pourquoi tu t'énerves, hein, et tu me raccroches plus au nez. Eh, tu me raccroches plus au nez. Laisse-moi une heure, j'arrive, connard. Mais j'en ai rien à foutre. Eh, tu me raccroches plus au nez avant que je m'énerve, t'as compris? Ouais, mais regarde, je vais te montrer, rien. Et tu sais que tu. Et en plus. Mais non, tu sais pourquoi tu vas pas me péter la gueule? Il va arrêter son travail. Mais non. Ah merde, il a raccroché de nouveau, putain, il est con. Il va arrêter son travail. T'es en panique. Tu me diras, je peux comprendre. Bon allez, on va lui dire. Enfin, s'il décroche. Merde, il décroche plus. Sinon, on appelle son collègue. Allô? Putain, quoi? Ouais, bon, ça va, c'est pas la peine de venir, t'es en direct sur Énergie. Ouais, c'était le menteur, mais si! C'était le menteur, on leur mente. T'inquiète pas, Jimmy, c'est Mickaël, t'es à la radio. Jimmy! Bébé! Bébé! Mais oui! C'est pour rire, mais. C'était pour gagner une PS4, bébé! Le kangou va bien. Le kangou n'a rien. Le kangou va très bien, il n'y a pas de problème. Et t'es pas obligé de faire le ménage. Voilà, et tu dois même pas faire le ménage. Par contre, elle veut bien des petites relations sexuelles un peu particulières à base de plâtre. Enfin bon, bref. Elle t'explique. Non, le ménage, je dirais pas non non plus. Ah. Elle t'expliquera plus en détail. Bon, ça va. Ça va mieux, tu t'es calmé, Jimmy? Ah putain, mon cœur. Oh, ça va, ça va, ça va. Eh, hey, Jimmy, t'as gagné une PS4 ou une tablette Samsung Galaxy Tab E? Tu veux quoi, au fait, Christelle? La tablette. Ah bah très bien, bah tablette pour toi, pas de problème. Et ben vous restez au standard, on prend vos coordonnées, d'accord? Ok. Allez, un grand merci. Avec plaisir, salut vous deux, à bientôt. Salut. Ciao. Et lui il va nous faire un infarctus à son cœur là, le cœur il va plus tenir là. Il va plus tenir. Bon, on va se faire un autre menteur, Alzador, qu'on leur mente dans la semaine ou semaine prochaine, hein, si vous voulez vous inscrire, si vous voulez jouer aussi, repartir avec PS4, tablette, Xbox, etc., etc. Inscription maintenant 01 40 71 5000, comme vous l'avez vu, on vous impose trois mensonges, vous arrivez à les placer correctement. Et ben, vous avez toutes vos chances de gagner. Je veux pas trop compliqué dans l'absolu, on va se faire les appels mal intentionnés, on va récupérer Franck et Anthony. Anthony qui veut tromper sa meuf, il veut des conseils. On fait ça après Shakira. Ouais, j'ai un peu résumé vite fait quoi, vite fait. Pasado. No voy a perder. Yo no quiero ser un tipo de otro lado. A tu manera es complicado. En una bici que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto. Complicado. Hey. en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Este sueño que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Aquí yo guardo donde te escribí. Este sueño que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Lleva, llévame tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que si al fin que algún día demuestras en Tayrona, después no querrás ir pa' Barcelona. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que sea mi pique, tú le muestras en Tayrona, después no querrás. Bonne nuit, bonne nuit, on est là sur Énergie, tranquillement, 1h32. Nouvelle équipe, nouveaux horaires, nouveaux cadeaux, nouveau studio, nouveau casque, nouveau micro, nouveau standardiste, nouvelle photo. Mickaël, Tafolo et Amina sur Énergie de minuit à 4h. Que des nouveautés. Ah non. Tof a toujours une sale gueule et ça ne changera pas. Dommage, vraiment dommage. Ouais, effectivement, il est 1h33, il y a Mike Perry que je vous cale dans quelques minutes, 21 Pilots aussi, Ken Jones, et puis la petite fée sur le Twitter qui a envoyé un petit message aussi qui dit petit coucou mes amours, comment allez-vous? Je vous écoute au taf en mode discret, oreillette dans la manche. Eh ben tranquille, tant que tu fais pas gauler la petite fée, c'est le principal. Il y a Sima qui dit salut Mickaël, la carte routière de Marrakech est plus simple à comprendre que la mentalité des hommes, j'arrive pas à comprendre. Ouais, je sais pas, écoute Sima, si je te dise moi. Ouais. Bon, Franck dans quelques minutes qui voulait donner son avis sur l'histoire d'Anthony qui veut tromper sa meuf et sait pas comment faire. On devrait avoir l'avis de Jackie également dans quelques minutes. Jackie qui est notre consultant des routiers hein, bien entendu, et qui veut nous donner son avis dans quelques secondes. Avant ça, on se fait les appels mal intentionnés, donc générique. Nique ta mère, fils de pute. Le chat de la con de ta mère, la pute. Enculé, enculé. Sale bâtard. Je te nique le troufion, ta grand-mère, la chauve qui fait du jet ski. Je rappelle que les paroles ont été trouvées par Amina. Hein. Oui, c'est évidemment. Elle-même qui a tout écrit. Apparemment, c'est un petit peu un résumé de sa vie, quoi. Parce qu'en fait, elle a changé. Maintenant, elle va faire le journal du hard. Elle écrit des trucs vulgaires comme ça. Jusqu'où ira-t-elle? Bravo pour l'exclamation. Alors là, ça va se finir. Porte-plotte. Bon, allez, on y va. On appelle Tof. Tu vas leur demander s'ils ont déjà eu, s'ils ont déjà fait des jeux de rôle sexuels, genre plombier qui vient réparer la fuite de la malheureuse femme au foyer, hein, un truc qui fait quand même assez film de cul, forcément, hein, pour voir. Parce que selon Biba, 38%, ils sont 38% à l'avouer d'avoir fait déjà justement. Alors des... qu'à mon avis, ils sont beaucoup plus. Bah, bien sûr. Dans, en quoi tu t'es déguisé le truc le plus ridicule, Tof? Je parle pas de ton physique actuel. Hein. Attends, laisse-moi réfléchir. Genre, tu te déguises tous les jours. Mais c'est oui. Plus quel déguisement choisir. Bah, il y en a plein. Et une malle. Non, je crois que le plus ridicule, c'est le lapin. Ouais, c'est le une lapin. Blague. Mais et la bite, est-ce que quand tu l'as jamais utilisé? Non, je l'ai jamais baisé avec la bite, alors qu'avec le lapin, oui. Parce qu'il avait un déguisement de bite. C'est bizarre comme phrase, mais. Ouais. C'est vrai. Bon, donc tu t'es déjà déguisé en lapin? En lapin. Bah oui. Mais t'es sérieux? Bah en même temps, vous étiez là, donc. Non, mais pour coucher avec une meuf, je te dis. Bah oui. T'es là. Comment ça, on était là? Bah, vous étiez là cette soirée où je t'ai déguisé en lapin. Ah oui! Dans la boîte! Mais t'as baisé avec une meuf en lapin? Peut-être. Oh l'enculé, il avait dit une meuf en lapin. C'est vraiment un cassos. Je vous l'ai dit, je n'ai jamais autant ploté de meuf que déguisé en lapin. Mais quel cassos. Oh là. Bon, donc du coup, dites-nous vous si vous êtes déjà déguisé. Tiens, en quoi vous vous êtes déguisé? Bon, honte ou pas honte, on s'en fout, hein. Mais genre en mode, vous avez envie de coucher avec quelqu'un, avec votre copain ou votre copine, et vous êtes en mode déguisement, justement. Quel était le déguisement? Tiens, 01 40 71 5000. Vous nous appelez. Vous pouvez également, si vous le voulez, envoyer par message, hein, Mickaël et votre message au 612. C'est le même numéro pour la France et la Belgique. Et du coup, Tof, tu vas appeler. On va vérifier ça avec les amis. Bah oui, allons-y. Grâce au numéro que vous envoyez tous les soirs sur le mail de Tof, c'est toph@energie.com. On garde les numéros de téléphone et on l'appelle. Si vous connaissez des gens un peu nerveux, forcément, vous balancez les numéros de téléphone, genre l'ex-patron ou l'ex-petit copain, par exemple, ou petite copine qui s'énerve facilement, ça reste anonyme, hein. On ne dira pas qui nous a envoyé le numéro, rassurez-vous. Donc il suffit simplement d'envoyer ça sur toph@energie.com. C'est parti, on y va, on appelle et on récupérera Cyril, Franck et Anthony après. Ça ne dérange pas. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir, je vous appelle parce qu'en fait je voulais savoir, est-ce que vous êtes déjà déguisé pour faire l'amour monsieur? Comment ? Est-ce que vous êtes déjà déguisé pour avoir un rapport sexuel ? C'est une plaisanterie, monsieur, ou vous voulez que je trace l'appel ? Non, c'est une question, monsieur, pour avoir une réponse. Qui est tendu, monsieur, vous avez vu qu'il est arrivé là ? Et vous demandez si je porte un déguisement pour faire un amour, c'est ma faire ? Oui, c'est ça. Bah, écoutez, monsieur, je pense que vraiment, parce qu'on a toujours sa poutre qui est appelée et dire des conneries, hein ? Bah, c'est pas une connerie, monsieur, c'est une question. Vous prenez comment, monsieur ? Vous êtes con, votre famille ? Je m'appelle Toff, monsieur. Comment ? Toff. Toff, et moi j'appelle Touff. Ah, si vous voulez, enchanté, Touff. C'est bien ? Bah oui, c'est très bien. Et donc, mais ça répond pas à ma question. Parce que vous m'avez pas dit si vous vous déguisez. C'est votre question, c'est que déjà d'une, je vous connais pas, vous me connaissez pas, vous m'appelez une heure tardive. Et une question totalement stupide et franchement à ignorer, on va dire. Oh non, monsieur, voilà, non, dites pas ça, c'est pas gentil. Donc, si vous tentez de rappeler, je pense que je informerai un de mes potes qui bosse à la PJ. Oui. Et ouais, non, monsieur, je plaisante pas, monsieur, hein, c'est vraiment vrai. Oui. Alors maintenant, je pense qu'on a aussi à foutre de répondre à des questions totalement stupides. Bah, d'accord ? Non, monsieur. Monsieur, au revoir. Bah non, répondez à la question d'abord. Allô ? Ah. Le fameux pote qui bosse à la PJ. Oui. Ils n'ont rien d'autre à foutre à la police judiciaire. Ils n'ont rien d'autre à foutre que de mettre des gens sur écoute qui posent des questions par téléphone. Hein. Bah oui. Bah, tant mieux, hein, c'est qu'il n'y a pas de problème. Oui, finalement. Oui. Bon, on va le rappeler. Allez. Je connais quelqu'un à la police de la route qui va tracer votre appel. Très ridicule. Il doit être avec la PJ. Là. Oui, je m'excuse, monsieur, on a été coupé. Parce que du coup, vous m'avez pas dit si vous vous étiez déjà déguisé pour faire l'amour. Hein ? Non, je dis, vous m'avez pas dit si vous étiez déjà déguisé pour faire l'amour, monsieur. Ouais, ouais, ok. Et sinon, t'as pas une vie à pas chercher ton nom au téléphone ? Non, je suis chômeur, monsieur. Écoute, mon gosse, je te jure, ça sera peut-être de mes deux gosses. Toi, j'ai deux gamins. Oui. Si tu continues à harceler. Dépêche-toi dès demain matin, ok ? Bah oui, mais réponds. Est-ce que c'est le temps, monsieur ? Bah, est-ce que c'est le temps, oui ou non ? Vous répondez à ma question, oui ou non ? Bah, vous aussi, attendez, répondez à ma question, oui ou non, et après, moi, je vous laisse tranquille, monsieur. Tous les appels que vous émettez sont tracés, d'accord ? Ah, maintenant, tu me rappelles encore une fois, dès demain matin, c'est pas harcèlement, je dépose plainte. Tu comprends ce que je veux dire ? Mais non, monsieur. Mais non, monsieur, réponds. Bah attendez, répondez à ma question, oui ou non, monsieur, et puis on n'en parle plus. Encore un appel de votre part, je ne sais pas quand, dès demain matin. Auprès de l'OPJ, c'est ce que ça veut dire, l'OPJ, officier de l'OPJ judiciaire, tu comprends ce que ça veut dire ? Pour harcèlement téléphonique. Ah maintenant, tu me casses encore une fois les couilles, je dépose plainte dès demain matin. Bah oui, si vous répondiez à la question, monsieur, on n'en serait pas là. Allô ? Ça fait bien de dire OPJ. Oui, OPJ. C'est ce que ça veut dire, officier de police judiciaire. Ouais, bon, la police, quoi. Hein, oui, c'est ça, parce que c'est en fait l'OPJ, c'est le mec qui prend ta déposition quand tu vas au commissariat. Voilà, c'est ça, c'est l'officier. Bon, on va le rappeler quand même, hein, pour voir si il va mettre ses menaces à exécution, là. Allez, parce que ce serait bien qu'on soit débarrassé de Toff, au passage. S'il peut faire un petit tour en zonzon. Oh, ben voilà, il décroche plus, là, tu vas voir. Oh bah voilà, ça fait tout le cinéma là et puis rien. Quoi. Putain, quelle déception. Bah, l'OPJ ne veut pas être disponible. Bah ça doit être ça. Bon bah tant pis, c'est pas grave. On en fera l'autre dans moins d'une heure. Tiens, si vous avez des numéros de téléphone d'ici là à proposer à Toff, toph@energie.com, envoyez-les sur son mail, c'est pas compliqué. 1h40 du mat, on récupère donc Franck, Anthony, Jackie dans un instant également. Et on va se faire le jeu du Tupu. Si vous voulez participer, 01 40 71 5000. Et au cœur de la nuit sans pub, je vous mets le son de Mike Perry sur Énergie. You can be my guiding light. Keep me company in the night. That's all I need. All I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a border. Like the air I breathe, I let you in. Keep me warm underneath my skin. 40 71 5000, c'est le numéro du standard. Si vous voulez passer en direct, on est là chez 4h, alors prends. T'es connecté, t'interviens, tu es chez toi, t'es au boulot ou dans le métro, tu fais dodo. Mickaël sur Énergie, du lundi au jeudi de minuit à 4h. Et n'oubliez pas le dimanche aussi, 20h, minuit, on écoutera le son de Ken Jones dans un instant. Il y aura 21 Pilots. Et n'oubliez pas d'ailleurs aussi qu'il y a toujours le double hit, hein, si vous entendez deux sons de Lady Gaga. Il y a l'iPhone 7 à gagner et l'iPad Air 2. Tranquille ou calme, pépère quoi, hein, deux petits cadeaux quoi. Hein, deux petits, deux tout petits cadeaux. Il y aura deux Parakeets. Et le double hit de Lady Gaga, ça peut se passer évidemment à n'importe quel moment de la journée. Donc si vous avez envie de gagner, bah restez à l'écoute d'Énergie, c'est pas compliqué. Je vous demandais si vous vous étiez déjà déguisé. C'est genre un petit truc cool sexuellement quoi, tu vois. Ouais. Non. Petit déguisement avec pas avec. Je vais dire avec apparemment. Avec, avec votre copain ou votre copine. Non, je sais pas pourquoi je dis pas apparemment. Et donc il y a un message qui dit déguisé en tortue ninja, moi. Deux gods en guise d'armes. Quoi? C'est Flo qui avait envoyé ça. Mais arrête. Bah, quoi, arrête d'être pas choqué pour ça. Bah oui, pour c'est ça. Mais c'est une plaisanterie quoi. Choqué parce que le mec se déguise en tortue ninja pour coucher avec sa meuf avec des gods en. Bah oui. Fusil, je sais pas quoi. T'es vite choqué quand même. Hein. Ouais. Un message qui dit moi je me suis déguisé en soubrette policière, infirmière, sorcière, sexy. Ah ouais, ça peut être sympa ça aussi, hein. C'est vrai. Et un Antolestico qui dit en même temps le déguisement en lapin doit cacher ce corps si ingrat. Tout s'explique. Oh. Oui, ça se fait pas. Rapport à celui de Toff évidemment. Et on a Lionel avec nous à Auxerre. Salut Lionel. Salut. Comment ça va? Ça va, je vous écoute tous les soirs, heureusement, parce que comme ça me motive sur la route. Ah bah c'est gentil, t'es quoi, t'es routier ou tu roules tu Non, je suis ni bâché, ni frigo, je suis messagerie. Ah messagerie, ouais, putain, ça il paraît que c'est le caca du caca, ça, hein, au niveau des routiers. Non, c'est pas vrai. Il paraît, moi je sais pas, moi c'est ce que les frigos disent, après moi je connais pas. Mais essaye d'évoluer, essaye de passer un grade, deviens... Pas bâché. Ouais, pas bâché. On rigole évidemment, bien entendu. Bon alors Lionel, raconte un petit peu. Tu t'es déjà déguisé toi avec ta copine, ta femme ou ton copain? Non, mon copain. Non, je me suis déguisé. On avait fait une soirée entre potes. Je m'étais déguisé en Dracula et on a, c'était tous donné rendez-vous dans un petit restaurant savoyard. Ouais. Et la soirée s'était super bien passée avec le responsable du resto. On avait joué à bâbord et à tribord pour que ça se finisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, à bâbord, on devait crier le plus fort, c'est nous à bâbord, c'est vous à tribord. Oh et ça s'est fini, parce que bah, à tribord, il y en a un qui est venu me taper dans l'œil, il m'a offert une rose et bah. Ah, t'aimes les hommes en... Ouais. Oui. Ah, d'accord, ok, j'avais pas compris. Et une chose entraîne à l'autre, je l'ai pécho dans la rue et ça s'est fini après chez moi. Toujours, toujours déguisé en Dracula. Toujours déguisé en Dracula. Tu lui as sucé le sang. Oui, j'ai sucé le sang. J'y ai fait la pétale de rose. Tu peux toujours la voir. Ah, tout est là. Et voilà, la ça, bourrette. C'est dégueulasse. Ah, il veut tout savoir. Je lui donne tout. Ah ouais, c'est ça. Mais pour lui, pose des questions. Et après, non, il veut de l'info. Il veut de l'info. Hein. Je voulais rien savoir, moi. Ouais. Mais ah ouais, d'accord, ok. Ouais, c'est original. Mais à la base, tu t'étais pas déguisé dans le but de pécho. T'as pécho parce qu'au final, ça s'est goupillé comme ça. Mais tu t'es pas déguisé genre pour un fantasme sexuel. Ah non, rien du tout. On s'était juste déguisé parce que voilà, c'est une soirée Halloween et qu'on ouais, voilà. devait être tous. Et en fin de compte, ça s'est fini parce que voilà, j'ai pécho une personne. D'accord, ok. Ça s'est fini dans la rue, violemment, et en plus on était juste à côté du resto, n'importe qui pouvait sortir et nous voir, on n'était même pas cachés ni rien. Ah oui, donc tu l'as enculé en plein milieu de la rue quoi. En Dracula. Voilà. Ah ouais. En Dracula, j'ai sucé son sang. Oh, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est beau. Oh, dis donc. Eh ben merci à Lionel. Il y a pas de corps, tu vois, rappelles... comme vous êtes, vous c'est changez gentil. Point. Eh ben merci beaucoup, c'est gentil, salut à toi. Voilà. Hey Lionel, j'en profite, comme t'aimes les mecs qui aiment les mecs, t'as pas envie de. Tu passes pas un menton à un moment ou à l'autre? Comment? Tu passes pas vers menton quand tu roules? Non, pas du tout. Ah merde, parce qu'il y a Eric de Montfion qui est toujours à la recherche d'un homme pour éventuellement lui faire du bien, quoi. Ouais, ça je me doute, mais non, sans façon, c'est bon. C'est un gros sac, hein, mais faut lui faire l'amour, voilà, Polo, t'inquiète, je t'entends tous les soirs, l'amour il sera large. Pas trop pour moi. Bon, t'as vu Eric, Eric de Montfion, j'essaie de te trouver botte à ton pied. Hein. Par contre, Top, s'il veut son petit trou, pourquoi pas. Écoute, on en reparlera. Eh mais qu'est-ce qu'il se passe là ? On en reparlera en Dracula. Eh les gars, vous êtes possédés. Je mettrai mon costume de lapin. Oh, quelle horreur. Bon, je ramènerai la carotte. Mais c'est marrant, c'est marrant Lionel, parce que on a quand même, je vais pas dire c'est l'image, mais en général, tu sais, on dit que les gays ont bon goût, tu sais, genre dans les apparts, ils ont toujours tendance à bien décorer parce qu'ils ont bon goût. Comment tu peux dire, oh Tof, si tu veux, je veux bien me baiser, mais t'as vu sa gueule, c'est pas une question de bon goût. Mais ça. À quatre pattes, il se rend pas compte. Voilà. Attends, comme on dit. Une bite, t'as pas d'œil, un trou est un trou. Mais voilà. Mais quelle horreur. Voilà, allez, viens me lécher la rondelle. Oh, avec Lionel. Vas-y, avec un petit peu de Nutella en plus. Oh, voilà, les gars, on va arrêter ça ou je vous défonce les deux la gueule. Mais un coup de poing. Non, non, un coup de poing, moi, je veux plus ça. Là. Ah, un poing du. Carrément du suffiste. Ah, oui, oui. Bon, salut allez, Lionel. Mais on est. Ouais, j'imagine. Bon courage à vous. Salut, je t'embrasse, à bientôt. Salut Lionel. Ciao, bye bye. On va prendre Elodie aussi dans quelques instants. Salut Elodie. Salut. Oula, qu'est-ce qui s'est passé, Elodie? On a porté la famille Elodie. Aujourd'hui, sur moi. Pardon, c'est ma mauvaise voix du soir avec les cigarettes. Désolée. Ah bah bravo. Parce que salut Elodie. Hey, salut. Ça va, tu peux m'appeler Roger ce soir. Bon Elodie, qu'est-ce qui t'amène? Est-ce que tu t'es déjà déguisé? Tiens, ça se trouve c'est pas du tout pour ça que t'appelles, mais tu t'es déjà déguisé pour un fantasme avec ton copain? Ah non du tout. Jamais, ça te branche pas? J'ai pas eu besoin de ça. Non. Ah bon, comment ça t'as plus besoin de ça? Ah bah j'ai jamais eu besoin de ça. D'accord. Non mais après tu peux avoir le fantasme, tu sais, de la petite étudiante ou de hôtesse de l'air ou ah de non, la flic, j'en sais rien moi, tu vois, ou de la fermière non, quoi. Je suis une fille très sage moi. Ah t'es une fille très sage, d'accord, ok. Une frite. Une frite. Bon alors qu'est-ce qui t'amène du coup Elodie, puisque c'est pas pour ça que tu nous appelles. Je voulais passer un coup de gueule ce soir. Dis-moi. Parce que j'ai failli me faire arnaquer par un de tes faux comptes sur Instagram. Ouais. Non, c'est pas par un de mes faux comptes, c'est par un des faux comptes utilisant mon nom, ce qui n'est pas la même chose. Oui. Ouais, je sais, il y en a plein, c'est insupportable, c'est pénible. Et je vois depuis quelques temps qu'il y a beaucoup de faux comptes qui se créent et pas mal de personnes, à mon avis, se font arnaquer. Bien sûr, il y en a plein. Hein. Il y en a plein qui se font arnaquer, il y en a une qui s'est fait choper de 200 euros. Bah oui, tu penses. Mais après, tu sais, moi je le dis à la radio, je le dis sur Facebook, je le dis sur Insta, méfiez-vous. Le problème c'est que t'as les gens, j'ai l'impression qu'ils regardent que les images drôles ou que les cadeaux. Le reste s'en battent les couilles. C'est ça. Donc si tu veux, il y a un moment, je les préviens, mais ceux qui tombent dedans, ceux que je fasse, je sais pas leurs parents, je vais pas leur tenir la main toute la journée. Ils sont pas assez intelligents. Bah ouais, tu sais, il y a un moment quand t'as un gars qui t'écrit, qui te tutoie, puis qui te vouvoie, puis qui fait des fautes d'orthographe improbables, et qui te dit appelle sur un 08 99, tu vas voir, hein, ça te dit que c'est payant, mais c'est gratuit, t'inquiète pas. Hein. Ouais, il y a un moment. Ouais. Si tu veux, si tu tombes dedans. Tu préfères avoir ton cadeau chez toi ou par la poste? Non, mais voilà, après, qu'est-ce que tu veux. Et il y en a plein, et j'essaie de les faire fermer sur Facebook, on y arrive à les faire fermer, mais t'en fais fermer un, il y en a deux qui arrivent. Et donc c'est une galère. Sur Instagram, c'était marrant ce week-end. Je me suis quand même, tu sais, parce qu'il y en a qui me disent, ouais, il y a des faux comptes de toi. Je dis, bon, je regarde. Je tape Mickaël officiel. Il y avait 16 des faux comptes. Je ne retrouvais même pas le mien. Bah, je ne retrouvais même pas mon propre compte. T'imagines un peu noyé dans toute cette espèce de merde de faux comptes. C'est super chiant et Mais t'aimes tellement de pros. Mais non, mais c'est pas ça. Mais non, mais tu sais, en fait, c'est pas. Il y a des gens qui croient que c'est juste un gars comme ça, tu sais, qui s'amuse à faire un faux compte et voilà. En fait, c'est carrément une sorte de société. Hein, oui, c'est une association de malfaiteurs. Bien sûr. Et en fait, ils font ça avec plein de comptes de personnalités, des youtubeurs, des acteurs, des chanteurs, d'autres animateurs radio ou télé. Il y en a plein qui se font avoir. Koé, par exemple, aussi. Hein, il a aussi des faux comptes. Et en fait, les mecs, ben voilà, ils vont simplement demander aux personnes qui ont liké les pages ou qui jouent sur des concours sur ces pages de personnalité et vont dire voilà, on a fait un concours spécial pour les plus fidèles. Les mecs disent non, c'est pas vrai, putain, il m'a demandé un ami et tout, c'est génial. Et ils les baissent comme ça, quoi, voilà. Mais il faut se méfier, bon, on peut pas faire plus. Hein. L'idéal, ce serait que. Tu savais que hier soir, tu proposais, c'était 200 iPhone 6S à offrir. Ah putain, je suis généreux quand même, hein. Ah oui, très généreux. Putain, je suis vraiment généreux. Ça fait plaisir. On peut en avoir un ou pas? Non, non, puisque moi-même, je n'en ai pas. Donc, non, mais c'est improbable. Mais méfiez-vous, voilà. Mais en fait, le truc, ce qui serait bien, mais Facebook le fera pas, hein, c'est que quand tu crées un compte, le seul moyen d'éradiquer cette merde, c'est quand tu crées un compte, t'es obligé d'envoyer une copie de ta carte d'identité, ton passeport, bref, n'importe quoi. Parce que du coup, il a écrit n'importe quel compte et Mickaël et tout le bordel. Bah, c'est pas leur vrai prénom, tu vois. Mais bah oui. Donc, si tu mets effectivement sans copie de carte d'identité, permis de conduire, passeport ou n'importe quoi, le compte se crée pas. Bah, du coup, ce serait la seule solution de le faire. Mais bon, ils vont pas le faire, à mon avis. Hein. Donc, en attendant, faut faire avec. Hein. Faut faire avec. Et puis, les mecs qui font ça, t'inquiète pas, qu'ils vont pas arrêter tout de suite, hein, avec ce que ça leur rapporte comme pognon.

Ouais. Tu vois, et le problème c'est qu'après tu risques, je dis pas que ça va être le cas, hein, mais tu risques de regretter ou tu risques de te rendre compte qu'en fin de compte, bah, pff, c'est beauf. Tu vois, c'est pas. C'est un peu comme, tu sais, t'as ta voiture fidèle, quoi. Mon t'es Dieu. Là avec ta caisse et puis tu te dis, putain, le nouveau modèle il est bien, et puis tu te dis, bah, putain, j'ai quand même claqué beaucoup d'argent alors qu'en fait l'ancienne était sympa aussi, quoi. Tu vois. Une sueur froide. Qu'est-ce qu'il y a ? T'es malade ? Pas un objet non plus. De quoi, Anthony ? Une femme n'est pas un objet non plus. Merci. Bah, une voiture non plus n'est pas un objet, c'est une voiture. Tu considères un peu que c'est un objet puisque tu veux la changer. Et oui, c'est ça, tu. C'est un objet. Bah, c'est toi qui nous as dit hier que tu hésitais à en changer, c'est ce que t'as dit. C'est toi qui joues avec les sentiments. On peut pas faire la comparaison entre une voiture. Anthony, n'essaye pas du côté de toutes les femmes, elles sont toutes en train de t'insulter derrière leur radio parce que t'es en train d'hésiter à tromper ta meuf. Celle qui alors, t'a tellement aidé, aimé, et toi, tu es en train de vouloir pêcher une autre meuf parce que. Enfin, ça se trouve, elle est en train de tromper aussi actuellement. Hein, elle a bien pas, raison, on peut pas savoir. Bon, il y a Brian de Colombier. Salut à toi, Brian. Comment tu vas? Ouais, salut. Salut, salut. 21 ans, Brian. Ça va. Alors, t'avais un petit conseil à filer à Anthony, toi. Ah non, merde, c'est par rapport au déguisement, toi. T'en bouges pas, Brian. Je te reprends en deux secondes. Vas-y, c'est pas grave, mais j'ai un truc à dire à Anthony quand même. Ah bah alors, vas-y, Brian, profitons. Coûte les deux, frère. Coûte les deux, c'est pas grave. N'importe les deux. Quoi. Fais ce que tu veux. De quoi il doit tester, quoi. Bah ouais, il doit tester. S'il teste pas, il saura jamais, de toute façon. Ouais. Il saura jamais quoi. Il y a rien à savoir. Bah si. Bah laquelle des deux suce le mieux. Bah, ouais, des trucs importants, quoi. Après, faut faire le tri. Ah bah oui, c'est comme les poubelles. Non mais je rêve. C'est pas comme les poubelles, mais voilà, quoi. Voilà quoi. Bah, faut faire le tri. Bon, attends, deux secondes, Brian, tu voulais parler des déguisements, je te reprends après. Il y a d'abord Franck avec nous à Brignoles. Salut Franck. Salut toute l'équipe. Comment tu vas? Ça va, impeccable. Bon, bah tant mieux. Bienvenue à toi, Franck. T'avais un petit conseil à filer à Anthony, toi, alors vas-y, on t'écoute. En fait, ouais, c'est pas trop un conseil, je suis un peu dans le même cas que lui, en fait. C'est plus ça, en fait. Alors vas-y, dis-nous. Donc j'ai flashé sur la femme d'un pote à moi qui est mariée. Mais ça se fait pas, c'est la femme d'un pote. Ouais, et en fait, là, tous les deux, en fait, on jouait un petit jeu de séduction et on est à deux doigts de passer à l'acte, on va c'est dire. C'est très drôle, à deux doigts de passer à l'acte. Voilà. Bah, tu sais quoi, tes deux doigts, tu te les mets dans ton propre cul, tu vois, tu passes ton chemin, mec. Non, dans l'urètre, tu vas te sentir passer, t'inquiète. Ouais. Donc là, voilà, on est encore au stade de jeu de séduction parce qu'on sait, en fait, les conséquences que ça peut avoir. Mais bon, oui, mais en plus, c'est ton pote. Encore, tu fais ça avec une inconnue, enfin, avec quelqu'un, en fait, tu vois. Pas... Une avec une. C'est plus le pote, en fait, d'un membre de ma famille. Mais peu importe. Bah, bon, enfin, tu connais, quoi, c'est ce que je veux dire. Ouais, voilà, je le connais, mais après, voilà, je ne bringue pas avec lui, quoi. Donc, pour moi, lui, c'est une option, quoi, on va dire. Ouais, non, mais d'accord, mais bon, ça reste quand même c'est quelqu'un une option. Que tu. Ça reste quand même quelqu'un que tu connais, voilà, bon. Et quoi, t'as une femme, toi? Oui. Ah, en plus? Oui. Bravo. Ouais. Et toi, ta femme aussi, tu t'en fous, toi, c'est juste à côté, c'est une option, quoi. C'est une option. Direction assistée. T'es avec elle depuis combien de temps? Plus de 10 ans. Ah ouais. Et pourquoi tu veux aller voir ailleurs? Quoi, c'est quoi, ça va? Parce qu'en fait, je suis un gros demandeur de sexe, en fait. Et en fait, ma copine actuelle me limite, en fait. Elle me bride un peu, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que t'appelles brider? Ton opérateur te donne pas. Ouais, c'est ça, mon opérateur, on donne pas tout ce qu'il faut. Bah, dès que j'arrive dans la GIA, je suis bridé. Hein. On va dire, tu connais les trucs de MMS, là, mars, mai, septembre, les trucs comme ça, là, voilà, ben, c'est ça, mardi, mercredi. Attends, on comprend rien, en fait, depuis que t'as mis le kit main libre, Franck, on comprend que dalle. Attends, ouais, parce que j'avais le téléphone depuis un moment dans les mains, alors attends. Ah, voilà, ça va mieux, là. J'ai l'impression. Voilà, tu m'entends mieux, là? Ah, oui, là, ça va beaucoup mieux, ouais. Voilà. Donc, tu disais quoi, mercredi, quoi? L'histoire des MMS, là, mardi, mercredi, samedi, là. Ouais. Voilà, ben moi je suis un peu dans ce cas-là. Ben et franchement, après 10 ans, 3 fois, c'est bien hein, déjà. Hein. Grave. Ouais, mais c'est pas assez pour moi en fait. C'est ça, et parce qu'en fait, je dure trop longtemps. Donc si on le fait chez une connerie le mardi, si je tente le jeudi, elle va me dire non parce que je vais durer trop longtemps en fait. Ouais. Tu vois. Et ça bah, brûle-toi, tu diras moins longtemps. Fais ça moins longtemps, comme ça, elle va vouloir en faire plus. Ouais, ben non, moi ce que je pensais faire, c'était avec l'autre en fait, au lieu de me branler quoi, au pire des cas. C'est grave abusé. Ouais, bon après, ouais, c'est un peu bizarre hein, comme solution. Hein. Tu vas trouver une autre passion? Non. Occupe-toi, fais du sport. Oui, c'est ça. Ouais, j'en fais. Gâteau. Mange des frites. Fais des tutos. Ouais, non, je fais du sport, c'est bon. Non. Voilà. Donc après, ouais, des conseils pour l'auditeur, non, j'en ai pas. Je suis plus voilà, dans le même cas que lui, on va dire. Ah ouais, d'accord. À hésiter, à passer à l'acte et avoir les conséquences, on va dire, de cet acte. Parce que bah, ne le fais pas. Moi, je le ferai pas à ta place parce qu'il y a un moment, tu vois, c'est quand même. Surtout 10 ans, quoi. Encore, t'es avec quelqu'un depuis quelques mois. Bon, tu perds pas. T'as pas grand chose à perdre. Là, 10 piges, mec, t'as des enfants, je parie. Ouais. Bah oui, voilà. Bon, bah écoute, t'as plus de choses à faire avec tes gosses. Oui. Enfin, après, je suis pas ton père, hein, tu fais ce que tu veux, mais. Ouais. Moi, je m'en méfierai, quoi. Je vous tiendrai au courant de. Ah oui, bah. Oublie pas, tout à l'heure on a eu un auditeur, il l'a fait, hein, il a divorce, tout le bordel, il a tout perdu, tout ça pour un coup de bite. Ouais. Donc en plus, tu fais ça avec quelqu'un que tu connais, et donc forcément je parie que ta femme la connaît aussi. Ouais. Oh là là, mais non, mais fais, alors franchement, le fais pas. Que tu trompes ta meuf avec une inconnue, passe encore. Mais si tu veux pas te faire gauler, fais pas ça avec quelqu'un que tu connais. Et imagine la meuf à un moment ou à un autre, elle pète un câble, elle veut absolument que tu deviennes, qu'elle devienne la femme officielle, machin. Mais elle va commencer à balancer, ça va être le bordel, mec. Après, je te rassure, j'ai déjà eu plusieurs fois la possibilité. À chaque fois, j'ai refusé parce que bon, les filles, elles étaient attirantes, mais je me mettais une barrière, on va dire. Mmh. Mais là, elle, en fait, elle m'attire vraiment, quoi. C'est une meuf qui est dans l'entourage déjà de votre couple, ouais, putain. Ouais. Et c'est un faux coup de foudre, en fait. Ouais. C'est un faux coup de foudre. Tu verras qu'une fois que tu l'auras, j'espère que tu le feras pas parce que t'auras couché avec elle, ça passera. Tu diras, ah ouais, c'est juste ça. Ouais, c'est un faux coup de foudre, ça, mec. Ouais. Bah bon, après, bon bah tu fais comme tu veux, évidemment. Bon, il y a un problème avec la liaison, avec le camion, hein, je pense. Bon, Franck, en tout cas, tiens-nous au courant, je compte sur toi. Tu nous rappelles, tu nous diras, et puis on verra, voilà. Bon, Brian, dans un instant, par rapport au déguisement, on va en parler. On aura Jackie également, notre consultant, là, pour donner son avis par rapport à Anthony. Et on fait ça juste après le son de 21 Pilots. On va également jouer au jeu du tupu. On va voir si Amina, Toff, Polo ou Seba du Standard vont encore perdre. J'en doute. Ah, on verra. On joue après ça, bougez pas. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize. All my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. That's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Time on my ride. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. soir et bonne nuit, c'est Mickaël sur Énergie. Au cœur de la nuit sans pub, il y a Parakeet qui arrive. Parce que dans la vie, tu peux tout rater. Ta journée, ton dîner, ton mariage, tes examens, tes vacances. Tu peux tout rater, vraiment tout. L'erreur est humaine. Mais il y a une chose que tu ne peux pas rater. Ta nuit. Ta nuit. Si tu veux la réussir, une seule solution. Mickaël, Toff, Polo et Amina sont là de minuit à 4h sur Énergie. Alors venez profiter, on est là le dimanche aussi de 20h à minuit. Mais sache qu'il dit le truc qu'ils oublient, c'est que la nana, ça se trouve, elle s'en bat les couilles de ce pauvre mec de l'intérimaire. Ah, c'est pas faux ça, Anthony. T'es en train de nous dire que t'as flashé sur une meuf à l'intérim, tout le bordel, et que t'hésites à virer ta meuf pour aller la voir elle. Mais ça se trouve, elle s'en bat les couilles, ta tronche. Ouais, non, t'entends plus, Anthony. Tu dis ? Ça se trouve, ouais, c'est ça. Ah bah ouais, mais il aurait peut-être fallu commencer par là, non ? Oui. Hein, on n'aurait pas perdu toute l'émission avec tes conneries, là ? Un pauvre con. Non, non, mais c'est vrai que t'aurais peut-être dû commencer par là, fin de compte, non ? Enfin, après, à chaque fois que j'y vais, tout ça, elle me fait des grands sourires, tout ça. C'est son normal. Autre chose que le boulot, on parle de vie privée, tout ça, donc... Ouais, voilà, mais bon. Elle s'en battrait les couilles. Je pense que si elle s'en battrait les couilles. Mais si, n'aime pas les règles. De la vie privée. Non, ça veut rien dire. Il y a plein de mecs qui se font des films juste parce qu'il y a des nanas qui ont envie de parler, qu'elles sont sociables et polies, et c'est tout. C'est pas pour autant qu'elles te kiffent. Hein. Bah, et tu sais, c'est comme les mecs qui sont persuadés que dès qu'une meuf sur Facebook ou Insta va liker une photo, ouais, putain, elle veut que je la baise. Putain, merci. Non, mais c'est vrai, hein, il a plein. Oui, oui. Merde, putain. Quoi, merde, putain. Ah non, je pensais que merde. Ouais, mais t'es un coup. Il y a une bombe de meuf là qui vient de me mettre un like et tout. Moi aussi, je suis comme ça. Ouais, c'est ça. Ah, merde, putain. C'est quoi, c'est qui a parlé là ? C'est non, mais ah, d'accord. Ah, parce que j'entends une meuf, c'est ça. Bon, bref. Ah, parce que, quelqu'un peut me dire que ça sonne. Quand je suis là-bas, bah, ce qu'il y a, c'est que je sais qu'elle est célibataire, qu'elle a un enfant. Ouais. Bon, attends, on va demander à Jackie, notre consultant. Voilà. Dans tous les domaines, surtout dans celui-là. Salut Jackie. Bah, ça va l'équipe. Ça va ou quoi? Ouais, tranquille. Moi, je suis un peu vénère, les gars. Comment ça, vous passez des routiers qui se déguisent en Dracula, là, qui se font défoncer l'oignon au milieu de la route, là. Bah, c'est comme ça, mon Jackie. Bah, c'est ça, mon délire, là. C'est le routier de l'an 2000. C'est Halloween. Non, Jackie. C'est homophobe. Jackie, on peut pas dire ça. N'est-ce pas Toff? Ouais. On peut pas dire ça, car. Non, c'est homophobe. Voilà. Jackie, c'est pas bien. Alors, je vais te mettre la fessée. Fais gaffe. Attends, je vais te prendre, espèce de PD. Oh, oh non, non. Jackie, c'est Jackie, stop. C'est fou ça quand même. Bon, c'est terminé maintenant. De quoi? Hein? Moi, je dis, pour Anthony. Bon, alors vas-y, raconte, Jackie, là, qu'est-ce que t'as à dire, Anthony? Ouais, moi ça me vénère là, tous les guignols qui passent depuis tout à l'heure à la radio là. Donc, ouais, pourquoi? Moi je vais tromper ma femme et tout, parce que les mecs c'est des grosses baltringues, mon gars. C'est pas ça un bonhomme. Là vous faites les fiers à la radio, vous gonflez les pecs, vous êtes des gros PD les mecs. Parce que Jackie, pas ce mot. C'est pas bien, Jackie, c'est pas bien. Parce que le jour où votre femme va vous cramer, les gars, vous allez vous mettre à genoux comme des baltringues en train de chialer, la bande putain, de PD. Je suis d'accord avec Jackie, c'est un truc de fou. Merde alors, comme quoi tout arrive. Beaucoup, les gars. Moi, vous avez des femmes, les gars, respectez-les. Après, celles qu'il faut pas respecter, c'est les putes qui traînent dans la rue toute la nuit, là. Des meufs qui ont des amis au masculin, là. Et toutes celles-là qui traînent avec des mecs, ça, c'est des grosses salopes. Ça mais quand t'as une femme à la maison, respecte-la. Commence pas à faire le show. Ouais, je vais aller baiser ailleurs. Tu vas rien baiser du tout parce qu'au final, c'est elle qui va te baiser, mon gars. Elle va te mettre à genoux, elle va te l'enfoncer bien dans le cul, espèce de gros PD, va. Oh, ça non, stop, Jackie. Ah mais ça me ronfle, les mecs comme ça, ils font les shows à la radio, ils se prennent pour des bonhommes parce qu'ils vont baiser ailleurs. Vous êtes des merdes, les gars, vous êtes des trous du cul. Respectez vos femmes, quand elles vont se barrer, vous allez vous mettre à chialer un jour comme des baltringues. C'est vrai qu'il a raison. Bah ouais, mon gars, ça c'est pas des bonhommes, ça. Les mecs sont là, ils gonflent les pecs, vous êtes des PD, les mecs. Vous avez pas de respect, vous avez rien. C'est une ponctuation chez Jackie. Évidemment, oui, c'est une virgule. Il quoi. Voulait dire virgule. Et ça vaut pour Anthony, là, qui m'écoute, là, ça vaut pour toi, et ça vaut pour tous les guignols qui ont appelé depuis tout à l'heure. Et ça vaut pour Toff aussi, hein. Surtout. Et ça vaut pour Toff aussi, mais lui on n'en parle pas, c'est tellement logique, lui on n'en parle même pas. Ouais. Bah voilà, c'est ça. Merci Jackie. Ouais, très bien. Voilà. Et bah voilà, et pour une fois, Jackie, comme quoi. Tout le monde est d'accord avec Jackie. Tout le monde est d'accord avec Jackie, donc. Bon, hormis sur les sales PD, tout ça, oui, je veux dire pour le fond de le fond. Mais c'est les PD, Jackie. Oh putain. Ah Jackie. C'est pareil aussi là, les mecs qui sont malades là. Ça c'est des mecs de malades de psychiatrique ça. Les mecs qui croient que la meuf a souri, ça y est, bah, il a baisé. La meuf elle est juste gentille mon gars. Ah oui. Elle fait l'effort, elle se dit oh, je vais être gentil avec lui. Elle est derrière un bureau, elle t'accueille, tu crois. Et si la meuf attire la gueule, tu vas dire ouais c'est une connasse, hein. Et si elle sourit, tu dis ouais elle veut que je la baise, man. Vous êtes malades les gars dans votre tête. Respectez un peu les gars, vous êtes fous. Vous êtes des tarés dans vos cerveaux. Et vous êtes des gros PD. Non, ah, ça, il l'a refait encore une fois. Il est content. Ça y est, voilà, c'est fait. Bon, eh ben, Jackie. Ça, vous encule aussi. On te retrouve dans le polo chaud, j'imagine. Ouais, parce que j'ai des nains à vendre et puis je voudrais les vendre. Bah, très bien, on fera ça. Ouais. Allez, à tout à l'heure, Jackie. À tout à l'heure. Oh là là, putain, qu'est-ce qu'on va faire avec Il était bien trash, Jackie. Hein. Bah, il était trash, il donne son avis, on va dire. Voilà, c'est quelqu'un de c'est son avis à lui. Ouais, c'est son avis qu'à lui. Hein, ça, personne ne partage. Tout, bah, Amina le partage. Non, j'ai pas vu ça. Tu as dit bravo. Tu faisais des signes comme ça de pouces. C'est ça, tu faisais comme ça. Tu voulais faire un give me five avec Jackie, mais bon, elle était trop loin. Non, je vais pas me faire capturer, moi. Laissez-moi tranquille. Bon, Anthony, bah écoute, fais ce que t'as à faire, tiens-nous au courant pour voir si t'as pris la bonne ou mauvaise décision. Hein. Par contre, où Jackie a raison, fais attention, pas sur tout, mais sur le fait qu'il a raison, tu vas pleurer. Non mais n'oublie pas, mec, tu vas pleurer à la fin. Parce que soi-disant, tu vas pleurer comme un... Comme un enfant. Après, je peux perdre très gros ou comme gagner quelque chose de mieux. Mais tu gagneras rien. Moi, je pense que ça va pas avec ta copine et c'est toi le problème. C'est pas cette meuf là ou une autre. Si tu t'intéresses vraiment à une autre nana, c'est que ça va plus avec ta meuf, c'est tout. Ou tu l'aimes moins. Ou que tu t'ennuies. Ah. Ou que tu t'es lassé. Ou les deux. Bah ouais, peut-être. On change des mots là. De toute façon. Bon, en tout cas, tu nous tiens au courant, Anthony. Ok, y a pas de souci. Ça roule. Salut à toi. À bientôt, Anthony. À bientôt, continuez comme ça, vous êtes génial. Merci Nio même. Nio. Merci Anthony, merci à toi. Tiens, il y a Jérém qu'on va prendre dans un instant pour faire le jus du tupu. Salut Jérém, t'es là ? Salut Mika, ça va ? Bah oui, ça va bien, ouais. Jus du tupu dans quelques minutes, tu vas affronter quelqu'un de l'équipe. On va gérer ça juste après le son de Parakeet, d'accord ? Vas-y, ça marche. Bon, bah très bien. Eh bah bouge pas de là. De Parakeet, on écoute ça maintenant. On est sur Énergie, comme tous les soirs, 2h15 du mat. Et puis plein de messages encore. Hein. Dites-nous si vous vous êtes déjà déguisé ou si vous avez déjà trompé votre copain ou votre copine. On en parle après ça. About to land, after years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. You told me how to fly, you drove my C'est Mickaël sur Énergie. Être à l'aise. À l'aise ou soucier de rien. Profiter du moment présent. Ne se soucier ni d'aujourd'hui, ni de demain. être tranquille. C'est ça, Mickaël, sur Énergie. Être en paix et être tranquille. Tous les soirs, de minuit à 4h. Ouais, on est là, évidemment, 2h19. Il y a le son de souffle, Charlie Puth, Chainsmokers aussi qui vont arriver. Et Punk Rider aussi qui dit: bordel, Jackie, t'as raison, l'eau de tapette va venir pleurer dans un mois chez Mickaël parce que ça grosse la lourdée. Ah, il est tout dans la classe. Hein. On va jouer maintenant avec Jérémy à Bayeux. Salut Jérémy. Salut Mickaël. Bon, alors Jérémy, on va jouer maintenant le jeu du tupu. Le principe est simple. Tu vas donc devoir appeler des gens. Tu vas devoir placer un maximum de fois tupu dans une phrase. Enfin, dans une conversation la plus cohérente possible. Attention, tu ne peux pas mettre plus de deux tupus. C'est deux tupus l'un derrière l'autre. Pour que ça reste évidemment cohérent, bien entendu. Tu vas devoir affronter quelqu'un de l'équipe. Tu veux jouer contre qui? Le plus gros perdant n'est autre que Toff, avec deux défaites d'affilée. Ensuite, il y a Seba qui n'a jamais joué, personne ne veut jouer avec lui. Pas au tupu, ouais. Mais non, c'est pas le tupu. Amina qui a une défaite, Polo a une défaite, ouais. Et moi j'ai une victoire. C'est tout? Bah oui, c'est revenu à zéro parce que j'ai perdu une fois. Moi je m'en rappelle pas. Bon, bien, toi qui perds, je m'en rappelle pas. Ah oui, tout. Bah si, pourtant. Tu vois, je suis l'honnêteté même. Bon alors, Jérémy, tu veux jouer et affronter qui? Polo. Toff. Trois défaites pour lui, ça serait bien. Trois défaites, je suis d'accord avec toi, Jérémy. Bon, très bien. Voler, on va voler. Ah oui, on n'a pas commencé. C'est après que je me fais voler, c'est pas maintenant. Jérémy, tu commences ou Toff commence? Non, vas-y, Toff. Merci. Très bien. Et c'est Polo qui compte, comme d'habitude. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Polo? J'ai failli envoyer mon ordinateur par terre. Ah d'accord, ok, c'est rien, c'est un détail. Allez, on y va, on appelle, c'est parti. On appelle au Canada, hein, pour être sûr que... pour qu'on ait plus de chances que ça décroche, on va dire, à cette heure-ci, rapport au décalage horaire. On y va, c'est parti, c'est Toff qui commence et Polo qui compte le nombre de tupus. Je me mets debout, c'est mieux. Fais comme tu veux. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir monsieur. Je vous appelle parce qu'à mon avis, il doit y avoir un piratage sur votre ligne, monsieur. Parce que je reçois des tupus tout le temps chez moi, monsieur. Il y a quelqu'un en fait qui me dit tupus au téléphone et quand je rappelle, en fait, ça c'est tombé sur vous, monsieur. Mais je pense pas que vous appeliez les gens pour dire tupus. Non, c'est pas moi. Ah bah oui, voilà, parce que vous imaginez, moi je décroche mon téléphone, j'entends tupus. Et bon, voilà, moi ça me vénère un peu, quoi, qu'on me dise tupus. Et donc c'est pour ça, moi je voulais vous appeler pour vous prévenir que voilà, il y a quelqu'un qui s'amuse avec votre ligne à dire tupus tout le temps. Et franchement, ça se fait pas, quoi. Vous comprenez? Oui. Ouais, vous avez un enfant qui pourrait faire ça, des tupus. Parce qu'en plus, moi je suis en France, hein, donc ça doit être un appel international, donc ça doit être cher pour vous, quoi. Les gens qui disent tupus. J'ai jamais appelé. Non, vous non, mais je me doute bien que c'est pas vous, monsieur. J'entends bien votre son de votre voix, que vous dites pas tupus comme ça gratuitement aux gens, quoi. Et c'est pour ça, je voulais vous prévenir, parce que comme je suis en France, tupus, c'est quand même violent. Et en plus, ça va vous faire une grosse note, quoi, à cause juste d'un mec qui fait tupus au téléphone. Et ça, bon, c'est un peu abusé, quoi. Tupus. Merci. Bah, de rien. Hop là, on vire les 5 derniers, j'avais pas vu, on était à 1 minute 10. Non, mais c'est une minute maximum. Bah non, mais attends, mais c'est une minute maximum. Bah quoi, oui ou non, c'est pas une minute maximum. J'ai encore été volé. C'est moi qui ai pas vu. C'est pas moi qui... Mais non, mais j'ai raté le chrono, en fait. J'ai pas vu, il y avait 10 secondes de trop. Donc il y en a eu 5 dans les 10 dernières secondes. On les enlève, c'est tout. Mais c'est ne te justifie pas. Mais tu si as je justifie droit. Pour être sûr que... Eh bien, merci. Volé. Plaisir. Ça y est, c'est reparti. Bon, ça nous a fait combien, Polo? 28, moins 4 parce qu'il se la rêve. Non, il y avait... Ah, c'est... Parce que je les ai enlevés les 5. Hein. Ouais, bah la 4, c'est en plus... Donc, 24, c'est la prime parce qu'il gueule en plus. Et c'est pas cher payé. Et c'est pas cher payé, mais bon. Bon, Jérémy, t'es là? Jérémy? Ouais. Ah, voilà. Bon, à ton tour, score à battre, 28. Bon, 24 dit. Pardon du coup parce que 24 on lui en sucré 4. Je voulais en enlever encore mais bon ça se fait pas trop bon, de ouais. C'est ça. Merci. Bon allez on y va. Jérémy c'est parti à ton tour. On appelle. Et ben t'as compris le principe hein, du coup hein. Allô, bonjour, excusez-moi de vous déranger, tupu. J'ai quelques problèmes avec votre ligne. Je reçois des messages en me disant tupu, t'es moche, tupu. Je comprends pas pourquoi vous me dites tupu, sachant que moi on se connaît pas, donc je reçois tout le temps tupu, t'es moche, tupu. Ça peut aller jusqu'à 4 fois par jour des tu pues, t'es moche, que des messages comme ça, donc je comprends pas pourquoi vous m'envoyez ça. Est-ce qu'on se connaît? Parce que des tu pues, surtout que c'est des messages, des numéros bizarres, donc des tu pues, t'es moche, tu pues. Surtout qu'en France, ça, c'est des insultes. Donc me dire tu pues tous les jours, recevoir ça tous les jours, tu pues, t'es moche, tu pues. Bon, à un moment donné, ça commence à être embêtant quand même. Vous devez avoir un problème, je sais pas, mais je reçois ça tous les jours, 4 fois par jour, des tu pues, t'es moche. Que des messages comme ça, avec tout le temps les mêmes mots dedans. Stop. Voilà, j'ai raccroché, la minute est passée, nous en sommes à combien ? Il y a un dilemme, parce qu'il a quand même copié la technique de Toff. Oui, alors ? Bah normalement, ça se fait pas. Ouais, mais là, je l'ai pas précisé, donc c'est bon. Ah d'accord, parce qu'il est vrai. Très bien, il en a fait 27. 27 victoires! Oh et folle bah voilà! Encore une fois, s'il passait pas son temps à ouvrir sa gueule, il gagnerait. Le nombre de défaites qu'il a eu uniquement parce qu'il arrogance, exactement parce qu'il se la ramène, il faut qu'il ouvre sa gueule. Il a toujours pas compris, c'est ça qui est dingue. C'est incroyable. Bon, bah bravo Jérém, victoire méritée. Merci. Victoire méritée, en plus t'as bien joué, donc c'est pas mal, c'est bien. Et puis bah voilà, nickel, hein. J'étais justement en train de réserver la place de Toff dans l'avion quand on part à Los Angeles fin de la semaine prochaine. Je l'avais mis à l'arrière, je crois que je le fous dans la soute. Oui, la soute avec le bétail. Ouais, non mais tu sais dans les cages comme les chiens. Non, les chiens ou les chiens. On le fout dans la soute. Merci Bichette. On va se marrer, tiens. Bon, parce qu'on va faire l'émission en direct de Los Angeles, ce sera donc pas la semaine prochaine mais la semaine d'après. On va essayer de faire un truc sympa du coup, hein. Voilà, on est en vacances et plutôt que d'être en vacances et vous mettre un best-of, on s'est dit qu'on vous alliez entre guillemets passer les vacances avec nous, sauf que vous allez rester chez vous et que nous on fera l'émission de là-bas. Bah quoi ? Faut pas prendre tout le monde avec, je suis désolé, hein, j'aimerais bien, mais. Non mais c'est vrai en plus. Bon Jérém, bravo en tout cas, mais qu'est-ce qui t'arrive encore, Amina ? Non, tout va bien. Ouais, je sais, ouais. Je fais souvent cet effet aux filles. Fais rire. N'importe quoi. Bon Jérém, donc tu retournes chez Seba au standard, on va prendre tes coordonnées, puis tu nous rappelles quand tu veux en tout cas. T'es le bienvenu et encore bravo. Merci, salut l'équipe. Salut, à bientôt. Bon courage à vous. Ciao à toi, merci beaucoup. On va prendre Benjamin dans un instant, toujours par rapport au déguisement. Et on va se faire les appels mal intentionnés. D'abord, on va écouter le son de Souf. Comme promis, 2h26, on est sur Énergie toutes les nuits. De minuit à 4h, c'est la semaine. Et de 20h à minuit, c'est tous les dimanches soirs. Elle me dit qu'elle est fatiguée. Elle me dit qu'elle veut tout lâcher. Même pas eu le temps de lui expliquer. C'est plus la peine de continuer, mais c'est le temps qui court, court, mais c'est le temps qui court. Pour tout ce mal, je suis désolé. Encore une fois, j'ai tout gâché, mais c'est le temps qui court, c'est le temps qui court, mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court, mais à coup pas. Je lui dis qu'elle m'a fatigué. C'est à cause d'elle que je vais tout lâcher. Je sais pas comment lui expliquer. Un jour je finirai par me barrer. Mais c'est le temps qui court, court. Mais c'est le temps qui court. Pour tout ce mal, je suis désolé. Encore une fois, j'ai tout gâché. Mais c'est le temps qui court. Et c'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. Oh, c'est le temps qui court. Mais à coup pas. Avouer, à demi-mot pardonner, qui court. Mais c'est le temps qui court. Oh, c'est le temps qui court. Mais à coup pas. On est sur Énergie, bonne soirée, bonne nuit, même 2h29. Parce que la nuit, c'est le désert à la radio. Personne n'est là pour toi. Tout le monde t'a abandonné. Mickaël est en direct sur Énergie. Une oasis pour t'accompagner la nuit, mais... Attention au mirage. Mickaël sur Énergie. De minuit à 4h. Allez, on direct de minuit à 4h avec Chainsmokers à suivre. Charlie Puth et Selena Gomez, ce sera We Don't Talk Anymore. Et puis, on va prendre Brian dans quelques minutes. D'abord, les appels mal intentionnés, bien sûr. Appels mal intentionnés, donc toujours évidemment à base de déguisement. Puisque, bah, on en parlait, hein, je voulais savoir déjà si vous aviez déjà fait des jeux de rôle sexuels, genre le plombier qui vient réparer la fuite de la malheureuse femme au foyer, qui évidemment n'a plus d'eau et qui n'a pas d'argent. Désespéré d'ailleurs, voilà. Et qui malheureusement l'accueille en nuisette. Et elle n'a pas voilà. Le temps de prendre sa douche. Et ça fait donc très film de cul des années 80, hein, mais il y a de plus en plus de couples qui pratiquent ce genre de scénario justement. Donc bah, ils sont selon Biba 38% à l'avouer. C'est pas mal. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même, ouais. Donc du coup, bah, venez nous le dire si c'est votre cas justement. 01 40 71 5000. Si vous êtes en Belgique, 02 703 0071. Et puis du coup, c'est parti, on y va, on appelle. On fait les derniers avant-derniers appels de ce soir. Allez. C'est parti. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, bonsoir. Je vous appelle parce que je voulais savoir si vous étiez déjà déguisé pour faire l'amour, monsieur. C'est qui ça, fils de pute? Toff, monsieur, je m'appelle Toff. Et qu'est-ce que tu veux, ça, le chien de la casse? Bah, en fait, je veux juste savoir si vous vous êtes déjà déguisé pour avoir un rapport sexuel, monsieur, si vous avez joué à des jeux de rôle. Non, nique ta mère de là, appelle quelqu'un d'autre, laisse-moi tranquille, t'es un chien. Non, monsieur, dites pas ça, c'est pas gentil. Ouais, mais je suis pas un mec gentil, donc on va te faire foutre. Mais non, monsieur, ça se dit pas des choses comme ça. Ah ouais. Bah oui. Il faut que je dise. Bah ouais, il faut que vous répondiez à la question, monsieur. C'est quelqu'un qui m'appelle, nique ta mère de là, il casse de là. Non, monsieur, arrêtez d'être désagréable et vulgaire comme ça, monsieur, ça se fait pas. Nique ta mère de là, c'est qui, ça chie de la case. Non, arrêtez. Va aller ailleurs, va aller ailleurs. Non, allez, monsieur, répondez à la question. Il casse de là, chien de merde. Non. Allô. Je ne connaissais pas cette expression. Nique ta mère de là. Oui, moi j'ai aimé. Mais c'est original. Mais c'est très original. Bon, on va rappeler encore une fois. J'ai oublié le générique, on le mettra en générique de fin du coup. Ah bah oui. Bah oui. Tu vas m'appeler tous les deux minutes ou quoi? Bah non monsieur, mais vous avez oublié de répondre à la question. Et du coup, c'est comme on a été coupé, je vous rappelle. C'est d'où toi? De Paris monsieur. Donne-moi ton adresse, je vais venir, je vais te couper en deux. Oh non monsieur, non. Ah non, si, donne-moi si, ton adresse. Si c'est pour ça, je vous donne pas mon adresse monsieur. Si, donne. Tout en deux, ce petit fion. Donc, alors, je suis 22. Ouais. Alors, donc, c'est R-U-E. Ouais. Et donc, c'est Boileau, comme le poète. Le rue Boileau. Voilà. Voilà, c'est à Paris, monsieur, dans le 16e. J'arrive. Mais non, monsieur, vous n'allez pas venir. Allez, répondez à ma question. Allô. Ouais, à nouveau raccroché. C'est bien, monsieur. S'il vient, coupe en deux. Bah, j'aimerais bien voir ça. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit, on rappelle. Quelqu'un a une nouvelle de Polo? Aux toilettes. Ah, encore? Mais je crois qu'il était un peu parpouillé. Ça sert à rien de rappeler, j'arrive. Mais non, monsieur, vous n'allez pas venir. Allez, répondez à la question. Je vais encore vous attendre avec du café et des petits fours et vous n'allez pas venir. C'est gentil. Pardon? C'est gentil, tu penses à moi, mais je vais quand même te couper en deux. Ça fait deux puces, tu continues à m'appeler. Mais non, allez, répondez à la question, monsieur. Je ne crois rien du tout, nique ta mère de là. Pose la question à ton père. Mais pourquoi voulez-vous que je fasse ça, monsieur? Peut-être qu'il répondra à ma place. Bah oui, mais moi c'est votre réponse que je veux, monsieur, pas celle de mon père. Pourquoi la mienne? Je sais même pas qui je suis. Comment t'as eu mon numéro? 118-218, monsieur, toutou youtou. Ah, 118-218, toutou youtou, il y a d'autres numéros. Donc tu vas gentiment prendre ton téléphone de la merde et appeler un autre numéro de merde, sale fils de pute, t'as compris? Bah non, je comprends pas. Bah, je vais me répéter alors. Tu vas prendre ton téléphone de merde, tu vas prendre 118-218, toutou youtou de merde et tu vas appeler quelqu'un d'autre de merde, ok? Bah non, monsieur, moi maintenant que je vous ai au téléphone, c'est votre réponse que je veux. Je veux pas appeler quelqu'un d'autre. Et si je réponds, ça fait quoi? Bah après, on se souhaite une bonne soirée, on se fait des poutous, monsieur. Non, ils sont tranquilles, casse-toi de là, elle va pas te foutre par un chien errant, va y aller ailleurs, va. Oh non, non, monsieur, c'est très violent tout ça. Non, pas de ça entre nous, monsieur, arrêtez de dire des choses comme ça. Mais ta mère de là, j'ai dit, appelle quelqu'un d'autre, t'es tranquille. Bah non, monsieur, maintenant qu'on se connaît, moi je veux votre réponse. Je peux pas appeler quelqu'un d'autre. Non, on se connaît. Non, on se connaît pas. Enfin, là, on vient de faire connaissance, mais je veux dire, on se connaissait pas avant. Pas connaissance, on ne sait pas comment je m'appelle. Non, c'est vrai, d'ailleurs, c'est quoi votre nom, monsieur? C'est Toff. Ah, vous aussi? Ouais. D'accord. Et, enchanté. Et donc, alors, est-ce que vous êtes déjà déguisé pour faire l'amour? Non. Eh ben voilà. Bah oui, il suffisait de le dire. Elle va te faire foutre, alors, ça fit. Arrête de m'appeler maintenant, t'as compris? Bien sûr, monsieur, on peut se faire des poutous, on peut se souhaiter une bonne nuit. Rien du tout, nique ta mère de là, nique ta mère de là. D'accord, bisous, bisous. Non, non plus. Ah non, bah là, il veut pas. Ouais, pas mais bisous, alors, hein. Nique ta mère de là. Bah écoute, je vais niquer ma mère de là. Eh ben, nique ta mère de là, bah voilà. Bon, bah si vous connaissez des gens aussi sympathiques que celui-là, qui au final a répondu à la question, hein, tout ce cinéma pour rien. Donc, bah envoyez les numéros de téléphone sur le mail de Toff, hein, c'est toph@energie.com. On va accueillir Benjamin dans un instant, rapport au déguisement, et Brian qui voulait nous en parler aussi, bah, juste après le son de Charlie Puth et Selena Gomez qu'on écoute tout de suite sur Energy. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking, you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Cause even after all this time I still wonder why I can't move on. Just the way you did so easily. Tonight, if he's holding on to you so tight, the way I did before, I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes, if she's holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. You're wearing tonight. If he's giving it to you just right, the way I did before. I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? We don't talk anymore like we used to. We don't talk anymore. I got a chance to talk to you. The way I did before. We don't 40 71 5000. Bah, vous pouvez nous appeler dès maintenant. Il y a le Polo Show qui arrive dans moins de 10 minutes. Tu réfléchis, tu te poses des questions. Pourquoi ? T'as mieux à faire. L'heure passe, mais tu continues. Comment ? À quelle heure ? Tu réfléchis encore. Dépêche-toi, le temps passe. Mickaël sur Énergie. Mickaël, tous les soirs. De minuit à 4h. Ouais, et d'ailleurs, le Polo Show, c'est le défouloir. Hein. Si vous voulez participer, vous êtes évidemment les bienvenus. Hein. 01 40 71 5000. Avant de se faire le Polo Show, justement, il y a un message d'Antolastico sur le Twitter qui dit après lui avoir coupé la tête, en voilà un qui veut le couper en deux. Il va pas en rester beaucoup du chien de la casse. Ouais, non, hélas. Rapport aux appels mal intentionnés qu'on vient de faire. Cyril qui dit j'imaginais pas Amina faire la faillotte avec Mickaël. Hashtag susboule. Mais je suis pas du tout faillotte, je suis juste réaliste, pas ce talent. Oh là là là là là là. Eric qui dit Jackie a raison dans ce qu'il dit. J'aime aussi Kylie Cuoco. Eh ben voilà, rassuré Jackie. Alors Mickaël sur Facebook. Yo Mickaël et toute l'équipe, je m'amuse à signaler les pages Facebook des faux comptes. Mickaël sur Facebook comme arnaque, petite la petite chasse est ouverte. Eh ah, mais bah, c'est écoute, drôle, c'est gentil, ça. Mickaël. Au lieu de chasser les Pokémon, chasser les faux comptes. Ouais, ah, c'est une bonne idée, ça tient. Pas mal ça. Allez hop. Mike qui dit Facebook a désactivé mon compte sous motif que j'utilisais pas ma vraie identité. Mike, donc M-I-K-E au lieu de Mickaël, et ce genre de compte reste ouvert. Ouais, alors, c'est vrai. Hein. Non, mais c'est vrai en plus. Hein. Toff aussi, il s'appelait Toff sur Énergie. Ouais. Bon, tu me diras, son nom de famille ne ressemble pas du tout à ça. Ils l'ont viré. Voilà, et en comme plus, une merde. Il s'appelle même pas Toff. Non, c'est vrai. Et ils l'ont viré, effectivement. Bon, on continue à parler de déguisement. Benjamin, au Mans. Salut Benji. Salut, ça va ? Ça va et toi ? Bah, ça va, ça va. Bon, bah, bienvenue. Alors, raconte un petit peu, Benjamin, toi, tu t'es déjà déguisé pour une relation sexuelle, pour un fantasme, quoi. Bah, c'est pas tout à fait ça, mais si tu veux, c'était un nouvel an, et puis avec un pote, bon, on savait pas comment y aller, du coup, on a dit qu'on allait se déguiser, quoi. Ouais. Et donc, on était deux pélos déguisés dans la soirée. Mmh. Et du coup, bah, à la fin de la soirée, j'ai pécho des jumelles et. Mais non. Et voilà. Ah oui, mais tu sais que c'est mon plus grand fantasme, ça. Oui, et rousse en plus, ils peuvent être rousse. Alors, rousse et jumelles, alors là. Alors là. Là ah, ils étaient pas rousse, ils étaient brunes, mais. Ah merde. Bah, mais, désolé. Et comment t'as fait ton compte pour pêcher les jumelles, j'ai pas suivi le rapport. Bah, c'était dans la soirée, comme ça. T'es pas bourré, en fait, tu la voyais en double, c'est une fumeuse. Ou il avait les mauvaises lunettes. Non, c'est des vraies jumelles. Mais j'ai toujours du mal à croire que deux jumelles puissent faire ça ensemble, ouais, parce dans le même sœurs à la base. Tu vois, bah, ça reste quand même dégueulasse. Enfin, dégueulasse. Bah oui, ah, non, je pensais pas que c'était possible, mais si, c'est bien possible. Ah ouais, bah écoute, toi, va immédiatement suivre ton conseil. Bah, je vais aller sur jumelles.com. Voilà, c'est ça. Et là, il va trouver des jumelles, en fait, hein, pour voir de loin. Voilà, c'est tout. Et il va être bien avancé, tiens. Oui, je voilà, comme ça, je pourrais les regarder de plus près. Voilà, c'est ça. J'ai eu une relation avec des jumelles. Voilà. J'ai frotté mon gigi sur ce genre. C'était frais, mais ça m'a fait du bien. Tout à fait, tout à fait. Bon, attends, il y a Brian aussi qui est avec nous à Colomiers. T'es toujours là, Brian ? Ouais, ouais. Bon, alors, raconte un petit peu. Toi, tu voulais aussi parler des fantasmes au niveau du déguisement. Ouais, non, moi c'était pas un fantasme au niveau du déguisement, en fait. C'est quoi? Moi, en fait, c'est genre, on était en plein marchand avec ma copine. Ouais. Après, elle m'a dit, vas-y, lève-toi. Mais essaie de mettre ma culotte, essaie de mettre mon soutien-gorge, tout ça. Mais au début, tu vois, je rigolais, je mettais son truc, tout ça. Après, elle m'a dit, non, mais je crois que t'es mieux avec les talons. Après, elle a commencé, j'ai mis les talons. Après, elle voulait me maquiller, tout ça. Attends, mais c'est quoi cette meuf? T'es sorti avec Eric de Monfion, quoi? Non, je suis sorti, mais vas-y, là, ça fait 6 mois, on a cassé. Ah oui, bah, je comprends, ouais. Ouais, c'était bizarre, hein. Non, mais c'était pour jouer, c'était pas un fantasme, non, c'était pour rigoler. Enfin, bon, même, ça fait quand même bizarre. Ouais, hein. C'est rien, ça. Ça fait bizarre, quand même. Bah, comment ça, c'est rien? Bah, c'est rien. Ça te dirait que ton mec, Amina, dit est-ce que tu peux mettre une barbe et une moustache? Mais non. Est-ce que tu peux t'habiller? Mais si, attends, mais c'est j'ai déjà maquillé des mecs, moi. Je suis déguisé en Ben Laden. Bah, ouais. Alors. Et puis, vu ce que le mec qui pète sur sa sœur lui a proposé, après, mais non, mais tout est ouvert. Hein. Mais quasiment tous mes ex, j'ai déjà maquillé pour rigoler. Un jour, voilà, on s'ennuie, une mascara. Vite fait, mais c'était pas pour un délire sexuel, c'est juste pour rigoler. Bah, non, ce qui est drôle. Nous, on était en, ouais. plein, on était en train bon, de faire, tu imagines ou pas? Nous, on était en train de faire, et elle m'a dit, vas-y, lève-toi, s'il te plaît. Ouais, là, c'est autre chose. Ouais, j'avoue qu'il est bizarre. Et tu l'as. Vas-y, s'il te plaît, tout ça. Et pourquoi tu l'as quitté? Tu l'as quitté à cause de ça ou autre chose? Non, c'était pas à cause de ça, c'était à cause d'autre chose. Ah ouais, oui, elle voulait mettre des lois dans le cul, c'est pour ça que j'ai raté. Ouais, ouais. Entre autres. Ouais, ah, mais il y a des gens bizarres. Je sais pas. Bah écoute. Ouais, je sais pas ce que lui a passé par la tête, mais bon, bref. Ouais, c'est bizarre, hein, c'est bizarre. Bon, bah en tout cas, merci Brian. Hein. Si, si. Tu rappelles quand tu veux. T'inquiète, la famille, tranquille. Ah ouais, toi, t'es à fond là-dedans. Hein, ciao à toi, Ryan. Et salut, Benji aussi, merci d'avoir appelé. Ouais, salut. Tu reviens quand tu veux, salut, salut. Ouais, bon, ouais. Allez, Polo Show dans un instant, 01 40 71 5000 si vous voulez participer. Et si vous êtes en Belgique, 02 703 007 1. Allez hop, vous appelez, vous passez, c'est le défouloir. Hein. Vous appelez, vous dites ce que vous voulez. Le Polo Show, c'est après le son de Chainsmokers qu'on écoute sur Energy. Bonne nuit, tout le monde. I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls, now you're looking pretty in a hotel bar and met you, I forget just why I left you, I was insane. Stay, play that Blink-182 song, that we beat to death in Tucson, okay. Bonne nuit, 2h48, c'est l'heure du Polo Show. C'est parti. Ladies and gentlemen. 01 40 71 5000. Vous êtes sur Énergie dans le Polo Show. C'est le Polo Show, les petits gars, le Polo Show. 01 40 71 5000, vous êtes dans le Polo Show sur Énergie, Michel à l'area. Ouais, j'aime bien cette chanson là. Ouais, mais je m'en fous, t'es pas chez toi. Mais écoute, c'est chez toi, Mongol, va enlève-moi ça. Oh mais qu'est-ce qu'il est bête. C'est ça le problème des réas en règle générale, c'est qu'à un moment donné, putain, tu vas faire des selfies bientôt. Ta grand-mère. Ouais, je vais faire des selfies, ouais. Tocard, bah. Comment il s'appelle l'autre là, avec sa gueule de merde. Christophe est là. Oui. Au standard avec le tocard, son assistant personnel. C'est-à-dire qu'il m'attend, les mecs ils sont mauvais, mais ils ont en plus des assistants mauvais. Essayez d'appeler au 01 40 71 5000. Personne va décrocher. Bah oui, y a personne. Amir, fais une chanson là. Ouais, tu m'as dit quoi? Vas-y, parle. Quelle chanson? Rien du tout, rien du tout. Vas-y, vas-y, suis, vas-y, qu'est-ce que tu veux? Coupe ta radio. Ouais, je voulais dire à l'autre tout à l'heure là, elle a trompé son mari avec son frère. Non, ouais, là, c'est pas bon, ouais, pas ouais, vas-y. Bah ouais, mais dis-lui, c'est pas bien, faut qu'elle lui dise. Hein. Faut qu'elle lui dise, elle a baisé avec son frère. Ou pas comme ça la vie. C'est ce qu'on lui a dit, Amir, t'inquiète, on lui a fait la morale. Ah ouais, ok, bah mets-moi une chanson, Binta. Ouais, écoutez Binta. On va mettre Binta, t'inquiète, Amir. Est-ce qu'il écrit jukebox sur ma tête? Ah, Michel. Non, mais il y a écrit tête de con. Pauvre con, va. Omar, on t'écoute, 01 40 71 5000, vas-y. Ouais, les gars, c'est pas bien, vous me mettez en attente comme ça depuis tout à l'heure. On était discuté, il y en a pas une qu'on peut caser. Je c'est comprends rien, gros Omar, je comprends rien. Qu'est-ce que tu viens m'agresser là? Ben non, je t'agresse pas, la famille. C'est pas le bail. Ouais, bah, je sais pas, tu me dis, ouais, mais de quoi? Il y a moyen de gagner des trucs ou Wack? Non, il y a rien à gagner, Omar. Ici, c'est. Il y a rien. Vas-y, explique-moi le concept. Y a pas de concept. Tu viens, tu parles. T'es intéressant, tu restes. T'es pas intéressant, bah tu restes aussi. Bah vas-y, je suis Al. T'es Al? Tu restes Al? Je reste. Ok, Antoine, on y va. Quelle différence y a-t-il entre une pute et un léopard? Je sais pas. Vous avez déjà vu un léopard avec un string en peau de pute? C'est pas mal, Antoine. Tu devais, t'es bon, hein? Bah oui, oui. Ouais, bah te la raconte pas trop dans Starguest. Ouais. Vas-y. Oh, moi, je voulais réagir là parce que le sujet là, il m'intéresse bien. Là, parce on que s'en bat les couilles. Tu sais que la mère à Michel, elle adore se déguiser, cette grosse salope. Ah bon? Là, c'est déguisement, toujours. En se déguisant, tout, mais pas exigeante. Ah bon? Et le but final, c'est même pour tous les déguisements. Non, merde! Eh, hey, vive Hubert, en bas les taxis! Cul, cette salope. Toi, ta gueule, salope. Virginie du 59, on t'écoute, bienvenue, 01 40 71 5000. Ah, merci de l'accueil pour une fois, on va tomber de la merde du ciel. On t'écoute, Virginie du 59. J'ai dit merci de l'accueil pour une fois. J'ai bien entendu, je te dis, on t'écoute, Virginie du 59. Qu'est-ce que tu dis encore, celle-là? C'est bien ce qu'il vient de dire, mon chacouille. Et quoi, il y a un retour qui est en train de repasser à chaque fois dans le truc, là. Qu'est-ce que tu veux, Virginie du 59? Qu'est-ce qu'elle veut encore, bah, celle-là? J'essaie d'avoir le numéro à Tosse, mais il n'y a pas moyen, toujours pas moyen. Alors, son 06 ça. Tu veux son 06? Attends, on va te donner, hein, si je suis seul problème. Non, non. Mais qu'est-ce que tu veux, Virginie 59? Je ne comprends pas. Bah, rien. En fait. Bah, super. Alors, Jonathan, on t'écoute, 0140, 71 5000, vous êtes sur Énergie dans le Polo Show. Jonathan? Pas de Jonathan, dégage. Scania? Ouais, petit message pour Jackie, là. Il fait le ouf, là. Mais c'est toi, t'arrives pas à pécho, là, espèce de PD, là. Tu vas oh là là, c'est homophobe. Oh là, dégage. Younes de chez Pépé. Ouais, je suis Jackie. Eh, le petit Scania, là, pour Antoine, là. Younes, tu nous fais quoi, là, Antoine, le Scania, je comprends pas, tu fais quoi, là? Je l'achète à Mina, t'as pas compris? Oh là là là là. Younes? Va-t'en. Lio. Ouais, salut toi. Bah, banana. Polo, pardon. Banana. Lio, non, c'est... Lio. Ben, bah, on t'écoute, Lio. J'ai une petite blague pour toi. Tu connais la différence entre une fillette et une limousine? Attends, il t'écoute pas, il est en train de parler avec Amina, elle a rien entendu. Attends, tu m'appelais comment? Tu vois, je t'avais dit qu'il est Lio. Oui, Polo. Tu m'as pas appelé Toff? Non. T'es sûr de ça? Bah, tu peux pas le savoir, ouais. T'écoutais pas. Tais-toi, toi, j'écoutais mon gueule, va. T'étais en train de ta parler gueule, avec Camilla. Bah, t'as envie de la baiser, c'est tout. Lio, mène-toi. Oui, tu connais la différence entre une fillette et une limousine? Non. Bah, dans les deux cas, c'est dur à rentrer dedans. C'est nul, dégage. Amen. Ouais, c'est pour dire à Anthony, t'es qu'un putain de frustré, arrête de nous casser les couilles à appeler comme ça. Déjà, gère la meuf, après on verra. Ok, merci Amen pour le message. Virginie 59. Ouais, c'est vrai, quand Anthony va se prendre un petit mur en pleine tronche, il va comprendre, il va pleurer dans les jupons de sa mère. D'accord, Starguest, on y va. Ouais, c'est un ouf, Scania, il veut se faire déchirer le fion par Jackie, lui, c'est un malade. Il veut qu'il lui arrive comme la mère à Michel tous les soirs. Moi, je lui déchire le fion, cette salope. Super, Antoine. Il est de retour, Starguest. Ouais. Il est plus sur Périscope. Non, oui. Non, apparemment, il est bon, là, Antoine, il est bien bon. Omar. Ouais, dis-moi, NRG, c'est pas merde, écoutez tous Move, les gars. Ok, super, ouais, bah tu peux parler, toi, avec ta radio, là, qui a deux auditeurs. Et... Bon, je vais rien dire. Omar ? Ah, mais je vais raccrocher la gueule. Noé ? Ouais, moi, je voulais juste dire, j'ai trompé ma femme il y a 10 ans, et maintenant, j'épouse ma femme. J'épouse ma nouvelle femme. Et t'es content ? Tu lui racontes ? Ah, ouais, non ? Très content, ouais. Qu'est-ce que je te dis, Noé ? Ah, bah, c'est la belle vie, hein. Ah, bon, je voulais juste partager ça avec vous, voilà. Ok, bah, moi, j'en ai rien à foutre. Fred ? Ouais. 0140-71-5000. Ouais, bah, au lieu de choisir entre deux femmes, il peut pas apprendre les deux. Oh là là, oh, l'intelligence, Fred. Tu fais quoi dans la vie, Fred ? Routier. Ah, bah, ça m'étonne pas, non, je plaisante. Super, merci. John, on y va, 0140-71-5000. Ouais, Mich, ta gueule. Ok ? Et dédicace au transforme à herbe. D'accord, 59 ! Ouais. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qu'elle veut encore, celle-là ? Qu'est-ce que t'as vu ? T'as un souci, là, ou quoi ? C'est Toff à qui tu parles, là. Reste calme. C'est Toff, hein. Ouais, Michto, allez, oui, c'est pas... Non, c'est pas Michto, c'est Toff. Ouais, bah, ils vont... Regarde, après, Toff ! Toff ! Oui ? Tu vois, c'est Toff. Ouais, c'est moi, hein. Mais attends, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Qu'est-ce que tu veux, Virginie 59 ? Bah, rien, je tape des barres en vous écoutant comme d'habitude. Même en vous écoutant pas, je tape des barres. Alors, ah, même quand tu nous écoutes pas, c'est quoi le problème ? T'as un problème en fait ? Bah, non, parce que je repense à vos conneries. Virginie, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ? Bah, je suis revenu à mon domicile ce matin, puis j'ai caché chez quelqu'un toute la nuit. Voilà. D'accord. T'as séquestré quelqu'un toute la nuit ? T'as séquestré quelqu'un ? Ah non ! Ah non ! Ah non, Stargaze, on y va ! Ouais, il a raison, en plus Antoine, je suis plusieurs périscopes là, je suis dans la chatte à sa mère. Oh, Stargate, ça se fait pas, respect. Nicky Larson. C'est pas mal. Nicky Larson. Tu peux arrêter ce cri là. Nicky Larson. La violence. Nicky Larson, baisse-moi cette radio. Ah, mais qu'est-ce qu'ils sont. Bon, il va rester là, je pense. Antoine, on y va. Ouais, Virginie, te sens pas visé par cette blague. Qu'est-ce qui arrive aux femmes grosses, moches et connes? Bah, rien. Nicky Larson. Rimka. Oh. Rimka. Ouais, ça va ou quoi ? Ça va, gros, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, ça va ou quoi ? Ouais, ça va, ouais, bah, continue à répéter. 0140-71-5000, vous êtes sur NRJ dans le Polo Show. Nicky Larson ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Romano 8.0 ! Ouais, je voulais saluer les mecs là. Salut ! Ouais, salut, je voulais péter une gueularde là pour tous les petits branleurs et les bouquets de merde là. Sur tous les bâchés là. Les frigos de merde là qui nous pètent les couilles là. Les meilleurs. Nicky Larson. Merci Romano. Nicky Larson. Bon, je crois que le mec a pété un câble. Cyril. Oui, les bâchés ça roule et les autres c'est tous des cons. Et l'autre il veut tromper sa copine. Moi ça fait 25 ans que je suis avec ma femme. Je vais aller tromper ma femme pour une connasse. Et tu perds tout, connard. Merci pour tout ça, Cyril. C'était très intéressant. Virginie. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Okay. Nicky Larson. On t'équipe du 59. On t'écoute du 59. T'hésites d'être en prénom, là. Qu'est-ce qui t'arrive, Polo? Je te sens bout d'espé ou quoi, là? Je comprends rien ce que tu dis. Je bois pas de d'espé, non. Là, j'ai pas dit que tu te parles de d'espé. C'est quoi, ce truc-là? Mais pas moi. Bon, cool, donc on Stargaze. Ouais, dis-moi, là, Larson, là, il est en train de se faire enculer puisqu'il est en train de crier. Je sais pas ce qu'il fait, Sharif. Ouais, c'est pour Attends, tu t'appelles Sharif ? Ouais, c'est pour dire à mon cousin Omar. Sharif ! Ouais. C'est pas Sharif ? Non, Sharif, Omar Sharif. C'est pour dire à Omar qu'il allait bien se faire enculer. Ah, il y a Omar. Oh là là, les rois de la vanne. Nicky Larson ! Nicky Larson. Virginie du 59, on y va. 0140-71-5000, vous êtes toujours sur la régie dans le Polo Show. Michel, qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Qu'est-ce qu'elle veut, Virginie? Bah, je suis belle, je suis intelligente, je suis moi-même, voilà, merci. C'est tout? Tout cassé, oui, cool. Bon. Johnny. Ouais, c'est pour Dieu, tiens, mets ta gueule un peu, parce qu'on t'entend trop, popcorn. Merci, Johnny, tu reviens quand tu veux. Ouais. Ciao. Virginie, qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air un peu tristounette, là. Bah, ouais, tout à fait, ouais. Pourquoi? Un peu, ouais. Bah alors? Ah là là. Tu vas te faire enculer, gros bâtard. Voilà, c'est bon, c'est le talent que j'ai avec les femmes. Dommage que c'est avec Virginie, je fais rire, pas les autres, mais bon. Starguest! Ouais. On y va, gros. Bon, moi, je vais lâcher. Ouais, moi, je vais lâcher une petite bête à mon pote Johnny Sims, le acteur porno. Ouais, tu penses qu'on est, on bosse dans le milieu tous les deux. D'accord, ok. Mais tu bosses pas, clochard! Antoine! Salut à tous, vous êtes le bienvenu sur le Periscope de Starguest. Romano, conclusion, on se barre! C'est la meilleure blague. Ouais, je vais faire un dédicace quand même à mon pote. Francky. C'est fait! Nicky Larson! Nicky Larson! On ne comprend pas. Heikel! Ouais, il est là, salut, il est là, Romano, là? Non, il est parti. Bah, dis que j'en crie sa mère. Ok, c'est fait, Virginie 59, conclusion, on se bat, on ferme la boutique. Oh, générique ou quoi? Ah bon, bah reste là alors. Starguest, conclusion, on se barre. Conclusion, on se barre. Je déchire le fion de la mère à Michel, cette grosse salope. Merci. Antoine, le mot de la fin? Oui. Vous me retrouvez tous les soirs sur Énergie avec Mickaël et toute sa bande. Je fais partie de leur équipe. Dans le polo show. Voilà, voilà, les amis. Merci Antoine, je reviens demain. Kevin! Ouais, c'était juste pour dire à Virginie du 5-9 d'arrêter de picoler parce qu'on comprend rien ce qu'elle dit. Elle passe à la radio. Elle boit pas, elle boit pas, arrête. Nicky Larson! Générique, le gros, conclusion, on se barre! Ah, ciao, ciao! Ok! Vas-y, Vivi, vas-y, Starguest! Et un enculeur, t'encules ton nom, qu'il y a vraiment personne qui encule comme toi! Toi, l'enculé! Car c'est toi qui encule ton nom, t'es un enculé! Tu ne peux pas vivre dans 59! Allez-y poser la question à votre mère, à votre maman de salaud de mère! Christophe du 62! Ouais, Polo! Qu'est-ce qui se passe ici? Mais dis-moi! Quelle est la différence entre ta queue et la mienne? Je sais pas! Demande à ta femme, on va te le dire! J'ai pas de femme, dégage! Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé! C'est générique là parce que c'est un peu trop vulgaire! C'est off. Tu vois ta mère. Je lui lâche mon gros rondin de merde sur la farce. Ça te fait enculer, espèce de gros bâtard. Ah, oh, voilà, merde. Ça c'est bon, ça, Virginie du 5-9. Bon, allez, salut Starguest, salut Virginie du 5-9. Allez, ciao, ciao, ciao. Bon, allez, bougez pas, évidemment, on est toujours au cœur de la nuit sans pub. 3h02 du mat, retour du polo show demain, bien entendu. On va se faire un petit canular tout à l'heure aussi, avant 4h du matin. Les appels mal intentionnés dans moins de 30 minutes et le son de Nicky Jam qu'on écoute tout de suite sur Énergie.